Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule qui fait sa rentrée avec les super micros qu'on a pu nous offrir grâce à vos dons exceptionnels et merveilleux. Merci. Merci à vous. Et puis voilà, pour revenir de cet été, on commence d'abord par un petit one shot avec Adrien Berthelot alias Chatarian sur les forums qui va nous présenter son jeu. Votre jeu, parce que vous êtes plusieurs. Exactement. Hein, et qui s'appelle Engrenage. Nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va à la pêche. La pêche est la même blague que l'année dernière et l'année d'avant pour démarrer le podcast. Et Shadow de Lyon également, la pêche. Exactement. La patate, et bien c'est très bien. Bien le bonjour et puis, à tous. Nous serons rejoints en cours de podcast par Yosei, hein, qui est l'ami de Shadow et qui va se joindre à nous pour la partie, mais qui n'est pas là pour la présentation. Comme vous le savez, le podcast One Shot, c'est 10 minutes de présentation. Ensuite, on coupe les micros. On va jouer et ensuite on débrief tous ensemble en mini-groupe. Parce que c'est sérieux, là, on topo joue. Topo débriefing en mini-groupe. Peut-être voilà. Faire appel à un cadre un petit peu plus dynamique. Alors, Chatarian, tu vas nous présenter Adrien. Tu vas nous présenter Engrenage au nom d'une équipe gigantesque. Vous êtes combien à travailler sur ce projet? Nous sommes quatre en total. Donc Sophie Briand, Julien Vastinier, Rebecca Zahabi et moi-même, Adrien Berthelot. Sophie Briand, quel nom J'allais la sortir, certainement quelqu'un de très brillant, très intelligent. Pas des quel nom extraordinaire. Alors, donc, Engrenage, est-ce que tu pourrais nous présenter Engrenage? C'est parti. Donc, Engrenage, vous connaissez les auteurs maintenant. C'est un jeu de rôle steampunk, non, c'est un uchronique, mes excuses. Une uchronique. Aux accents steampunk et horrifiques. Mm-hmm. Tu peux nous faire l'accent steampunk, là, rapide? Un accent steampunk. Alors, je pars dans un micro avec des grésillements. Je commence à taper dessus. Bienvenue au Radio Podcast de la cellule. Donc, ce podcast vous sera entièrement présenté par la vapeur steampunk. Allez, micro à vapeur. D'interrompre, ça va loin, quand même. Non, allez, ça, on ne va pas aussi loin dans le dire steampunk, dans Engrenage. Engrenage, donc, vous jouez en 1882. Dans l'immense mégalopole d'Avengreen, qui est une mégalopole bâtie sur la côte est. Tu peux répéter le nom de la... Avengreen. Parce que j'avais compris. Greenbergen. la ville de Greenbergen. Donc, en fait, vous jouez donc sur cette... Attention à ton micro. Ne l'éloigne pas plus loin qu'un pouce, tu vois. Comme d'accord. Ça. Voilà. Sur le pouce, voilà. Donc, vous jouez dans Avengreen, qui est construit sur la côte est d'un continent américain alternatif, qui, contrairement à celui qu'on connaît, nous, dans notre histoire, est beaucoup plus mystérieux. Il n'y a pas d'Amérindiens dessus, il y a une civilisation qu'on appelle les Sécanes, qu'on pourrait grossièrement appeler des hommes lézards, et qui donc sont beaucoup plus divers et extrêmement beaucoup plus belliqueux que les Amérindiens, et aussi un peu plus évolués technologiquement. Et le fait est que les humains, à la place de s'étendre et de s'étaler complètement sur le continent américain comme ils l'ont fait, vont se concentrer donc sur cette côte est, et bâti à leur immense cité Avengreen, qui est la cité de tous les possibles, en 1882. Je précise la date, car Engrenage, on n'a pas voulu faire comme beaucoup d'univers steampunk qui se situent dans une ère ou dans une ère steampunk. Non, on joue en 1882, et à cette époque-là, dans un 1882 un peu fantasmé, et à cette époque-là, à Avengreen, il y a des aventures avec d'immenses machines, regarde des savants fous. Regarde le micro. De l'occultisme. Vas-y. De l'occultisme. Voilà. Et toutes ces bonnes choses qui font une partie de JDR. Ah, ça, on en reparlera. Est-ce qu'il faut de l'occultisme pour faire une bonne partie de JDR? Oui, un débat intéressant. Très important. Alors, donc ça, c'est l'univers. On joue dans cette cité. Ça ressemble un petit peu à une sorte d'exil. Tu connais le jeu de rôle du Grum? Non, Flexil. Je ne connais pas Exil. Enfin, du Grum, de Ballon Taxi, parce qu'ils sont plusieurs sur le truc. Où donc, on joue dans une cité. Et finalement, la cité est un personnage à part entière dans cet univers. C'est un petit peu le cas d'Avengreen ou pas? Un peu comme dans Abîme aussi, où la cité finit par avoir une âme qu'on peut rencontrer. Alors, il y a plusieurs choses. Ce que tu me demandes, ça ouvre un peu des secrets. Parce que, d'accord. Mais bon. Avengreen, c'est un jeu où on essaiera de garder quelques secrets. D'accord. Tout de même, surtout au niveau de l'occultisme, on veut vraiment pas que ce regarde soit... Regarde le micro. On ne veut vraiment pas que ce soit un jeu où tout est simple au niveau de ce qui peut être occulte, d'accord, et ésotérique. Donc, vous jouez dans cette cité, oui et non, comment dire. Vous pouvez évidemment jouer, la majorité des scénarios se jouent dans la cité d'Avengreen, mais le monde reste ouvert pour l'instant. C'est juste que quand on sortira notre premier livre, on décrira surtout Avengreen. Et donc, évidemment. Notre premier livre, ça veut dire qu'il y aura combien de livres? Non, ça veut dire qu'on a envie d'en sortir d'autres. On compte en sortir 18. Haven Green n'est que le début d'une longue série à acheter. Tais-toi. Et les auteurs qui font ça, l'erreur de dire que ce sera en 6 bouquins, tout ça. Oui, oui, je vois bien, monsieur Sens. Donc, vous pouvez jouer à Haven Green, mais il y a d'autres lieux à jouer, évidemment. Vous pouvez jouer hors des murs d'Haven Green. Le scénario, notamment notre kit de démonstration, se déroulera hors des murs d'Haven Green. D'accord. Vous pouvez naviguer, même si c'est un peu plus dur que dans notre monde. Et vous pouvez aussi aller en Europe. Il faut savoir que dans les feux chroniques d'Engrenage, dans notre univers, en fait, on est un peu comme dans Secret des Sixième Mer, c'est-à-dire qu'on a le monde, mais comment dire, gros, la majorité de notre inspiration, c'est le monde tel qu'on connaît. Mais on peut utiliser juste ça comme prétexte à des aventures, à des scénarios, à des intrigues. Et donc, dans l'univers d'Engrenage, l'Europe, il y a maintenant 10 ans, quand vous jouez en 1882. Donc depuis 1872, l'Europe se casse peu à peu la gueule sur une suite d'événements uchroniques, comme la mort de la reine Victoria, l'affrontement entre l'Empire français et l'Empire allemand qui s'éternise. Plein de choses qui vont faire que l'Europe vraiment est en train de s'effondrer sur elle-même en avance. D'accord. Ok. Alors donc ça, c'est le contexte historique, l'univers du jeu. Est-ce que tu pourrais nous parler du système de jeu, puis de son système de... Une autre question sur l'univers. T'as dit que c'était un peu steampunk. Très vite. Oui. Quelle est l'énergie qui est utilisée du coup ? Tout simplement de la vapeur. C'est juste qu'on l'a mieux optimisé que dans le 1882 d'Engrenage, on a une technologie qui est un peu plus évoluée. D'ailleurs, pas du tout d'électricité. Un peu d'électricité quand même, parce qu'en 1882, il y avait quand même de l'électricité déjà. Et pour rebondir sur ta question, il a dit que c'était un univers avec l'accent steampunk, et tu as dit aussi horrifique. Pour l'instant, je ne vois pas ce qui est... Eh bien, j'y viens. Alors, l'horrifique, c'est surtout ce qui est nimbé de secret, en fait, dans Engrenage. Vous avez, en fait, en Europe, on part du postulat qu'à Haven Green, c'est que des gens qui sont venus d'Europe. Et en Europe, donc, dans notre Europe à nous, il y a eu énormément de légendes, de mystères magiques, de choses absolument qui n'ont aucun rapport à avoir avec le rationnel. Et pourtant, je crois que dans notre monde, il n'y a pas de magie. Hein. Désolé de décevoir certains. Est-ce que certains sont des magies que tu dis voilà, ça, chacun. Bon, c'est pas du jeu de rôle, alors, s'il n'y a pas de magie. ce n'est pas ici qu'on va faire un débat dessus. Et par contre, une chose intéressante, c'est qu'une fois que les humains vont arriver sur Haven Green, quand il y a les choses vont un peu changer. Il y a toutes les légendes qu'ont ramené ces gens en traversant la mer vont, je ne veux pas dire prendre vie, mais on va relever de plus en plus de faits qui pourront être mis en corrélation par les joueurs avec des légendes d'Europe. C'est quoi ? C'est c'est l'imaginaire collectif qui va prendre vie. C'est comme dans vie. Les crimes, en fait. Peut-être. Les crimes, l'imaginaire collectif finit par prendre vie. C'est les joueurs qui découvriront, à leur dépens, surtout. On trouve ça aussi dans Inflorenza, le jeu de Pika, où il y a l'espèce d'égrégore qui est un espèce d'univers mental qui flotte au-dessus. Il y a aussi l'excellent jeu de rôle Archeron aussi. D'accord. Que j'ai lu. Ok, alors le système de jeu, le système de résolution, c'est parti. Alors, Engrenage, système de jeu d'abord. Joueurs. Oui, c'est un jeu et des joueurs. C'est un jeu de rôle classique. C'est un jeu de rôle classique, très bien. Regarde ton micro. vous jouez donc dans Engrenage, le système de dés. Non, tu peux nous regarder en fait. Attends, j'interromps 30 secondes là, parce que des considérations techniques. En fait, tu peux regarder nous, mais c'est juste la distance à ton micro qui doit d'accord. être. Tu parles vers voilà, le micro. Voilà, comme ça, très bien. Ouais. Voilà. Donc système de jeu, c'est jeu système rôle de jeu. Je vais pas le faire expliquer à la fiche car sans visuel, ça risque d'être un peu dur. Juste énumérer, la fiche qui est en une page. C'est quoi ? Fiche qui est en une page avec 6 caractéristiques et 8 compétences par 8 x 3. 24 compétences. Vous avez. T'as pas intérêt de te planter là. 8 x 3, c'est 28. Ensuite. Vite fait, sur la fiche, vous avez 3 jauges à compléter. Vous avez votre jauge de santé. Tout le monde a 24 points de vie. D'accord. Oui, 24 points de vie. Ce qui est assez intéressant dans le sens où c'est quand même assez pour prendre les blessures bénignes en compte. Mais c'est aussi, vous verrez quand vous prendrez des dégâts, mais ça peut descendre très vite. Ça reste quand même un équilibre. Vous n'avez pas peu de points de vie. Vous n'avez pas non plus énormément comme on peut avoir dans certains jeux de rôle. On peut mourir ? Oui. D'accord. Ensuite, on vous avez. Dans certains jeux où en gros, t'es mort, mais c'est pas grave, c'était quand même qu'à moins 2, donc on peut toujours s'arranger pour te faire revenir avec un malus et un bras en moins. C'est dur de mourir, si vous avez vraiment la volonté. En Engrenage, ça reste un jeu avec un peu de peuple, donc vous pouvez combattre avec un bras en moins, ce sera attention encore plus héroïque et épique. Alors, ouais, ensuite, le jeu est disponible comment? Pour l'instant, il y a des kits de démo en PDF. Alors, c'est ça le kit de démo arrivera dans le prochain JDRMA qui va sortir en septembre. Donc. D'accord, donc c'est ce mois-ci. Ce mois-ci. Voilà. Ok. Et donc, au niveau du système, donc, ces caractéristiques compétences, donc c'est classique. C'est vous avez choisi ça. Est-ce qu'il faut faire du roleplay ou est-ce que c'est juste lancer des dés? Je vais quand même expliquer le lancer des dés, qui est un peu spécial. Qui est un peu spécial. Le système de jeu, c'est en gros, il y a un jeu et des joueurs, mais mais du coup, relié avec le système de caractéristiques compétences, est-ce qu'on doit faire du roleplay ou est-ce que c'est juste réagir à ce que dit le MJ? Donc, j'explique maintenant le système de dés. En gros, là, je joue à 2D12. Vous avez deux dés que vous devez différencier. Et vous aurez donc un dé pour l'ordre et un dé pour le chaos. Sachant que, à chaque fois que vous devez faire un test, le joueur décide s'il va lancer deux dés ou un dé avec un petit bonus, okay, pour équilibrer un peu au niveau des chiffres, ou un dé. Sachant que, évidemment, s'il lance deux dés, donc imaginons une situation classique. Il veut assommer. Non, c'est la situation classique que j'explique à chaque fois. Il va essayer d'assommer quelqu'un. Donc il lance ses 2 dés, imaginons qu'il fasse 11 en chaos et 5 en ordre. L'action est réussie parce qu'il est quand même assez fort, imaginons. Le problème, c'est que la dominante de chaos dans son action va faire qu'il va il va s'emporter un peu et briser le crâne de la personne qu'il a assommée. Et c'est très dur d'interroger une personne avec le crâne ouvert. Dans d'autres termes, on peut imaginer que vous devez fouiller des documents avant que le professeur revienne dans son bureau, car vous êtes entré illégalement dans son bureau pour prendre des documents, vous devez chercher le bon document. Et vous faites un jet d'administration, donc, mais vous faites une prédominance en ordre. Et la méthode ordre pour trouver un document est, comment dire, beaucoup plus... Vous serez sûr de trouver, mais vous allez mettre du temps. Je peux te poser une question, parce que du coup, deux questions. A priori, il y a des conséquences, du coup, quand on fait un jet. Est-ce qu'il y a un système pour gérer les conséquences, ou c'est au MJ de les faire... C'est au MJ d'interpréter, en fait, les balances, la prédominance... C'est pas du tout aux joueurs d'interpréter ces jets. J'y viens. C'est d'abord le joueur a choisi sa méthode. S'il perd le contrôle de ses méthodes, ou il choisit ses méthodes en ne prenant qu'un dé, ou, et il y a aussi petit supplément, qui est, comment dire, généralement c'est le MJ qui va interpréter, sauf dans certaines situations spéciales, les échecs et les réussites critiques. Les échecs critiques sur un jet de chaos, c'est le MJ qui va décrire l'action, tandis que si c'est un échec critique sur le dé d'ordre, c'est le joueur qui va la décrire. Et le reste du temps, c'est le MJ. Reste du temps, réussite critique sur le dé de chaos, c'est le joueur qui décrit. Réussite critique sur le dé d'ordre, c'est le MJ. Mais reste du temps, oui, ce sera le MJ qui décrira, interprétera les jets de chaos. Du coup, que fait le joueur à part ça? Genre, bah, il décrit sa volonté quand il lance sa volonté de faire. Ce quand qu'il il veut lance faire. Mais quand il lance un seul dé, généralement, vu qu'il choisit ordre ou chaos, il sait globalement ce qu'il va faire. Le joueur a donc le choix entre... Il sait qu'en lançant son dé de chaos, il donne du pouvoir au MJ de pourrir sa réussite. C'est petit peu la complication dans certains jeux où tu réussis, mais tu as une complication. C'est un peu ça quand tu lances 2 dés. Quand tu lances 2 dés, tu ne sais pas vraiment comment tu vas procéder pour réussir ton action. Mais quand tu lances qu'un seul dé, tu es parfaitement en possession de savoir comment tu vas arriver à... Mais la réussite est plus difficile à obtenir. Oui et non. En lançant 2 dés, tu as plus de chances de faire vraiment un jet exceptionnel. Mais en lançant un dé, tu as vraiment une sécurité qui est vraiment très confortable. D'accord. Même si le maximum que tu peux atteindre avec un seul dé est plus faible, tu peux quand même... Ah, t'as des jeux qui sont à peu près équivalents. Tu peux devenir un héros, mais pas trop. J'ai du mal à me représenter pour l'instant ce que ça en donne. Jeu, c'est plus simple. Ouais, parce que c'est assez compliqué. En fait, on pourrait croire que la sécurité, Shadow, c'est de jeter 2 dés, et au final, c'est l'inverse. Oui, exactement. D'accord. Et parce que tu peux te faire pourrir par le MJ en lançant 2 dés, en fait. On se retrouve un peu dans une espèce de truc à la Wishmaster. Tu sais, où t'as le dé de chaos. Je voudrais devenir belle éternellement. Lance ton jet. Voilà. Et puis, du coup, voilà. Si c'est le dé de chaos qui l'emporte, tu deviendras belle, mais peut-être pas telle que tu l'avais. Je te transforme en mannequin. Non. Ouais, peut-être. Désolé. On verra ce que ça donne un jeu. Est-ce que t'as. Autre chose à nous dire sur le système de résolution, dans un premier temps? Je termine juste parce que pour les deux autres jauges dont j'avais parlé, vous avez votre santé mentale, qui est un système assez fataliste malheureusement. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation choquante, on va dire, pour les standards humains. Comme dans Toulouse, quoi. Comme dans Toulouse, exactement. Vous allez lancer donc un des 12 plus votre résistance mentale. Je précise qu'en grenage, c'est du seuil. C'est-à-dire que vous devez faire le plus gros chiffre possible. Généralement, c'est bon signe. Pour réussir à déplacer un seuil que le MJ a fixé et connaît. Ouais. Vous avez donc vos petits chiffres. Et si vous réussissez, vous allez griser une case de votre barre de santé mentale et avoir un souvenir. C'est-à-dire que vous avez absorbé, sur le moment, ce choc. Si vous faites un échec, vous allez, comment dire, dégriser et évacuer tous les souvenirs. Vous allez dégriser toutes vos cases et prendre une tare mentale qui sera plus ou moins longue, plus ou moins dérangeante, plus ou moins gênante sur le coup, suivant le nombre de cases que vous avez décochées. Et les tares mentales, elles sont indiquées où ? C'est le MJ qui les fait ou alors vous avez fait un truc pour aider le MJ ? Le MJ, il est fait pour l'instant, mais dans le, on est en train d'établir des conseils pour faire. On veut vraiment que l'état mental soit représentatif des souvenirs que le. Donc là, on est un peu à la limite, en fait, si je comprends bien, dans l'état de développement du jeu, on est un peu à la limite entre le one shot et le playtest. Parce que vous avez sorti le kit de démo, vous savez où vous allez, vous avez un système bien fixe, mais il y a encore des choses qui peuvent changer avant la sortie de la base, c'est ça ? Comment dire, il y a beaucoup de choses qui sont laissées au MJ là pour l'instant dans ce kit de démo, mais on veut justement comment dire faire en sorte d'aider le plus possible le MJ de trouver, de lui donner encore plus d'outils. D'accord, ok. Ouais. Tu veux un système intuitif, c'est au sens de la magie intuitive dans les jeux de rôle, c'est-à-dire que le MJ ait une grande liberté de créative lors de la partie. Exactement. Mais en même temps, juste tu veux une liste de sorts. Quoi. Parfaitement. Mais en même temps, tu veux qu'il y ait quand même des rails et des guides. Bah, le maximum de guides possible pour le MJ. D'accord. Et tu parlais d'une troisième jauge. Exactement. C'est la jauge de majesté. Bon. Tiens non. Oui, en effet. Majesté, super. Majesté, ça représente un peu le côté héroïque et pulp du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fait un échec ou une réussite critique, vous grisez un point de majesté. Les points de majesté s'utilisent uniquement par deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours constamment en utiliser un dès que vous en avez. Vous devez toujours attendre un peu pour réaliser une action. C'est Agon, quoi. J'ai jamais joué à Agon, j'ai jamais lu à Agon, je ne connais pas Agon. Arrêtons de faire des comparaisons, écoutons Adrien. Et avec donc le point de en utilisant des points de majesté, vous pouvez réaliser une action comment dire, qui va mettre un peu en arrière tout ce qui est la simulation réelle, mettre en avant le côté esthétique de votre action. On ne peut jamais le faire ailleurs ? Non. J'aime pas donner des noms catégoriques. C'est un jeu très réaliste et puis il y a des moments où on peut faire un. J'aime pas dire des noms catégoriques. Non, mais je veux dire, quand tu joues, généralement, tu essaies de faire des trucs réalistes et quand tu utilises ces points de majesté, là, tu peux te la péter. Oui. Enfin, réaliste dans le sens du MJ. C'est-à-dire, c'est quand même un jeu où il y a de l'occultisme et de la magie. Hein. Oui. Non. C'est pas réaliste, c'est. Oui. Comment dire ? Simulationniste. Non. Non plus. Proche du. C'est compliqué. Vous qui écoutez, aidez-nous là. allez, envoyez des mots à la cellule et tentez de gagner un sac de décence. Un décence, ouais, mon cul. ça ne risquait pas d'arriver. Voilà pour la présentation des trois jauges, voilà pour la présentation de l'univers. Il nous reste plus qu'à jouer. Tu nous as amené des prêts tirés, c'est ça ? Exactement. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on joue. Bon, voilà, fin de partie. C'est-à-dire que bon, la cellule reprend, c'est la rentrée. Puis on reprend également nos bons vieux travers. C'est-à-dire qu'on vient de finir ce scénar. Il est 3h du matin et donc ce podcast est enregistré entre 3-5h du matin. Ça me rassure parce que le fait d'avoir des enfants n'a pas changé du tout nos mauvaises habitudes. Absolument pas. Ils dorment et nous ne dormons pas. Et nous sommes exténués. On va faire peut-être un rapide tour de table. Peut-être commencer par Adrien. Comment s'est passée cette partie ? Eh bien, comment dire, c'était... N'hésite pas à nous en balancer plein la gueule. Hein. Assez non, c'était comment dire... spécial, pour spécial le moins. Spécial dans le sens où c'est quand même le scénario que j'ai joué, c'est un scénario que j'ai quand même joué beaucoup de fois. Mmh. Et que là, j'ai vraiment eu des choses assez inattendues. Malgré le fait que y a quand même des techniques qui sont rodées dans ce scénario. Okay. Et que là, j'ai quand même eu de l'innovation. Mais... Effectivement. Mais c'est normal, ce scotch est terriblement bon. C'est ça. C'était la phrase récurrente du personnage de Shadow. Mais c'était assez sympa parce que vous êtes vraiment pris au personnage. Mais j'ai presque l'impression, c'est assez ironique, que vous êtes trop pris au personnage et que justement les personnages n'étaient peut-être pas bons. Bah, c'est justement la première remarque que je ferai moi tout à l'heure. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est qu'ils sont pas appropriés adaptés pour le scénar que tu veux faire. Que vous êtes tellement dedans que je me suis rendu compte qu'ils en étaient... fait, le problème, c'est que tu nous as donné des personnages humoristiques. Mais oui. Donc moi, je suis désolée, mon personnage qui est censé se balader sans arrêt avec un cactus et lui parler, je suis désolée, moi, dès que je pouvais être dedans, j'étais censée protéger mon cactus. Voilà, c'était juste pas possible. On peut peut-être faire un rapide tour de table pour présenter des personnages. Donc Flavie, tu es une journaliste, photographe, une photographe. Journaliste, non, c'est pas une journaliste, une photographe, un peu qui veut juste photographier. Ah. Et qui a son meilleur ami, qui est un cactus, voilà. À qui j'ai donné un prénom russe. Et qui en gros est complètement à l'ouest, quoi. Enfin. Ah oui, en même temps, quand t'es russe, t'es à l'ouest, c'est normal. T'es sûr, c'est pas plutôt à l'est. À l'est plutôt. Il est tard. Fais-moi une addition. Yosei, dont on va découvrir la voix. Oui. Alors donc, quel était le personnage que tu nous jouais ce soir? Donc moi, j'étais une tueuse dépressive. Voilà. Une Catwoman avec 20 kilos de plus. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est une tueuse dépressive dont toutes les connaissances se demandent comment elle a fait pour pas encore se suicider. Après, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais qui n'aime qu'une chose dans la vie, c'est donc tuer, et qui s'avère ne pas être très sociable, donc pas forcément évidente à jouer, même si je suis passée un peu au-dessus parfois. Oui, effectivement, puisque finalement, c'est toi qui as fait la face. Tous les trucs sociaux. Tous les trucs de baratin. C'était mauvais erreur de casting, je dirais. Erreur de casting, c'est-à-dire que c'est... À la limite, t'aurais peut-être dû prendre mon perso, en fait. Antisocial, alors que t'as essayé de faire que ça, et même bien, tu as même bien fait des fois. Ouais. Et même souvent, en fait. Shadow, alors le personnage... Alors le moi, j'étais un agent secret sur le retour, une sorte de James Bond, de OSS 117. Ouais. Donc toujours à se croire invincible et à vouloir faire des actions héroïques. Tout à fait. Enfin, en tout cas, il a l'impression de le faire. Et absolument. Voilà. Sauf qu'il n'est pas héroïque et qu'il ne fait pas des actions extraordinaires. juste, il demande à des petits japonais de passer devant. Voilà. Passer devant. Il boit du scotch et qui est terriblement délicieux. Voilà. Hein, voilà, exactement. On aura compris. Donc voilà, moi je veux un japonais. Un grand potentiel justement humoristique. Oui, bah oui. Du coup, mais voilà. Tous en fait. Hein. Moi je veux un mathématicien japonais philosophe qui se perd dans ses équations maladroit, quoi. Labyrinthiques. Une sorte d'Edouard Baird du Soleil Levant. Exactement, c'est ça. Je l'en tiendrai aussi. Et lui il est à l'est aussi. Et donc là on voit les persos, c'est que des persos humoristiques, Adrien. On a envie de jouer n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Alors tu nous annonces un univers horrifique, etc. Puis déjà au départ, c'est pas du tout horrifique, normal, parce qu'il faut le temps que l'horreur s'installe. Mais du coup, avec des personnages comme ça, des prêts tirés comme ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu cherches à provoquer du fun sur une convention, par exemple? Tu te dis, tiens, ça va être fun comme ça. Ce qu'on cherche surtout à faire avec Engrenage, c'est surtout donner à la fois les outils pour à la fois faire des parties humoristiques et horrifiques. Ouais. Là, j'ai voulu faire un peu, vous montrer un peu les deux. C'est-à-dire au début, commencer avec du très fun avec les personnages. Et à la fin, essayer de faire de l'horrifique. Bon, pour des raisons temporelles, on n'a pas vraiment pu aller à fond dans l'horrifique, mais... Normalement, à la fin, on est allé fond dans le fun, hein, par contre, il n'y a pas de souci. Ah, vous avez été super actifs. Ouais. Mais disons qu'on n'a pas vraiment le temps de glisser dans l'horrifique. Je pense qu'avec plus de temps, on aurait pu. Alors, moi, j'ai deux, trois petits conseils parce qu'il y a des trucs que j'ai notés sur comment tu poses l'ambiance. Au début, en fait, je pense que ce genre de choses devrait être noté dans une base, justement. Mais oui, d'accord. Parce que justement, en fait, vu que t'as ça dépend ce que, a priori, vous voulez provoquer ce genre de choses. Je pense que les moments où tu mettais de la musique, notamment un peu plus horrifique, et ton idée de jouer avec la lumière pour amener la nuit, pour amener certaines choses, et sont des très bonnes idées qu'il faut marquer dans votre base comme conseil OMJ. En fait, votre base, elle manque de conseil OMJ. Et si tu veux poser une ambiance, pour de temps en temps casser les moments où on ne faisait que du fun et où tu voulais amener une autre ambiance, une cinématique, c'est bien. Parce que du coup, tu nous obliges à nous taire et à amener une autre chose, en fait. Et je pense que ce serait pas mal. D'expérience, là, on peut regarder. Si on prend, par exemple, le scénar, dès qu'il a mis de la musique, on a fermé notre gueule. Première scène, on commence à l'auberge. On discute d'une stratégie pour accomplir une mission donnée par une connaissance commune, qui est Elisabeth Marshall. Elisabeth Marshall nous demande de couler une compagnie adverse à sa propre compagnie, qui vient de lancer un nouveau bateau qui s'appelle le Titanic. Et notre objectif, ça va être d'essayer de couler le Titanic. comme l'histoire le sait, on a parfaitement réussi. Et donc, évidemment. L'objectif, c'est ça. Et donc, première scène, on se rassemble à l'auberge. Je raconte la fiction parce que nos auditeurs vont encore dire qu'on ne raconte pas la fiction. Si oui. On se rassemble à l'auberge pour débriefer, essayer de trouver une idée, un plan pour se débarrasser du Titanic. Ça, c'est aussi un autre problème, Adrien, c'est que, étant donné qu'on sait que le Titanic va couler, c'est très compliqué, je trouve. Enfin, ça, je sais pas si ça vous a dérangé, vous. Si, moi, ça m'a dérangé parce qu'à chaque fois, en plus, j'avais envie de faire des blagues sur les icebergs et du coup. Vu qu'on sait comment ça va se finir, on se dit, ben, à quoi bon faire tout un plan et élaborer tout un truc puisque, de toute façon, le Titanic va couler. C'est ça, on verra ça peut-être. Ouais. Quoi qu'il en soit, première scène à l'auberge. Là, on s'était déjà n'importe quoi. Ouais, grave. Oui, mais ça, c'est ce qu'il expliquait. Ce qui est intéressant, oui. C'est de partir sur du fun et d'arriver à quelque chose d'horrifique. Donc, non, mais à la limite, qu'à l'auberge. Pourquoi l'auberge, c'est n'importe quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas assez d'éléments fictifs sur lesquels raconter des histoires et sur lesquels commencer à créer. En fait, quand on ne sait pas dans quelle direction créer. Le problème, c'est quand on arrive comme un cheveu sur la soupe dans cette auberge, on ne sait pas comment on s'est rencontrés. On tombe un peu là sans trop savoir quoi faire. Bon, alors il faut qu'on coule un bateau. Bonjour, on se connaît pas. On n'a jamais fait nos persos avant. Enfin, ouais. Et là, on est censé ensuite monter sur le Titanic et trouver quoi faire. Mais on est censé se dire on va chercher un petit peu comment faire. Mais en fait, on n'a aucune idée. On est pressé par le temps. Le Titanic part bientôt. Non, j'ai pas le temps d'aller acheter quelque chose pour pouvoir faire couler ça. Et dès qu'on est sorti, Adrien. Dès qu'on est sorti du truc et que tu as mis la musique, que tu nous as décrit cette Europe en ruine, là, pan, tout le monde a fermé sa gueule. Je me souviens, Shadow, ouais. Le sourire terminé, Flavie, pareil. Si c'était resté sur cette ambiance-là, la montée horrifique, on l'aurait senti parfaitement. Et c'est dès que la musique s'est recoupée, qu'on est retombé dans les travers. Intéressant. Là, tu vois, la musique, c'est pas un détail, c'est capital. C'est le jeu, peut-être. Et donc du coup, je voulais te demander, parce que là on a fait une partie très fun, franchement moi j'ai une barre au ventre encore, là, je suis mort de rire, c'était vraiment hyper fun, c'était effectivement James Bond sur le retour avec ses acolytes alcooliques, c'était vraiment confronté à l'horrifique, oui, mais est-ce que c'est ce que tu veux pour Engrenage ? En fait ce que j'ai essayé de faire... Dans la partie là, c'est assez audacieux. Généralement, les scénarios sont classés, généralement, sont assez séparés. Mais celui-là, vu que vous allez faire qu'un scénario pour parler du jeu ensuite, j'ai trouvé ça plus approprié d'avoir les deux. Mais dans d'où le notre scénario. Question répond. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Engrenage ? Vous voulez faire des parties fun et de temps en temps des parties horrifiques ? Vous voulez faire des On parties tous les deux semaines ? Vous donnez au MJ la possibilité, une fois qu'on aura là, même dans le kit d'intro, il y aura deux scénarios. Et ensuite, quand on écrira les outils pour à la fois faire au choix des parties horrifiques. Ou des parties un peu plus pulp et fun. C'est au choix. Et là, c'est vrai que même si c'était dur, j'ai voulu quand même vous montrer qu'on pouvait faire les deux dans Engrenage, en une seule partie. Alors, quelle est ta référence pulp, fun, horrifique ? C'est quoi Déjà, il n'y a pas trois Scooby-Doo, trucs en même temps. Parce que moi, j'ai eu l'impression de faire du Scooby-Doo. Scooby-Doo, ouais. Scooby-Doo, c'est pulp, c'est fun et c'est horrifique, effectivement. Je voulais que vous aviez déjà lâché que l'appel de Cthulhu, c'était allemand à Scooby-Doo. Alors, Non. C'est pas tout à fait. Tout notre respect pour Cthulhu, on disait que c'était une manière de jouer à Cthulhu. C'est pas la manière dont on joue à Cthulhu la plus fréquente. Hein. Nous, on joue plutôt sérieux, justement. Mais là, c'est parce qu'il y avait les deux en même temps que ça paraissait peu sérieux. Mais normalement, il y a. Comment dire ? C'est pareil. Souvent, on fait des scénarios séparés, mais celui-là, il était fait justement pour montrer à la fois les deux. Après, tu me demandes des références sur les trois en même temps, mais il n'y a pas de référence sur les trois en même temps. C'est juste qu'Engrenage, on veut donner. Indiana Jones, peut-être ? Les deux. Non, on veut donner le temple du. On veut donner temple, le choix, en le... fait, au MJ, de faire soit l'un, soit l'autre. Mais, Là, dans le cas présent, on a eu les deux en même temps, mais généralement, les scénarios sont prévus que pour un thème. D'accord. Donc, tu fais de l'horrifique ou Sleepy Hollow aussi, peut-être ? Du fun horrifique assez pulp. Fun, c'est bio. Ah bah si, attends, j'ai vu le cavalier, il n'avait pas de tête. C'est assez fun en fait. C'est vrai. Enfin, je sais pas, le personnage de Johnny Depp est quand même pas. Oui, qu'il décrit lui-même comme une petite fillette effarouchée qui doit poursuivre un fantôme. Voilà, et puis il y a des scènes mythiques, des têtes qui roulent n'importe comment. Enfin, il y a des. Oui, si, il y a beaucoup de fun en fait dans Sleepy Hollow. Quand il sort son sac et qu'il en sort tout un tas d'attirails, enfin, il y a plein de scènes. Quand il mime la scène du cavalier, c'est clair et net qu'il y a de l'humour là-dedans, quoi. Mais bon. Je sais pas, est-ce que... Il y a aussi, pour moi, autre chose qu'à un moment où on s'est calmé, moi, il y a autre chose qui m'a fait finalement, je pense, reperdre un peu la partie, c'est que quel que soit ce que je te demandais, c'était refusé, quoi. Ah ouais, ça c'est. Et ça, du c'est... coup, moi, j'ai fini par être frustrée et je suis désolée, j'avais l'impression que quoi que je fasse, en fait, t'avais décidé que ça marcherait pas. Non, et ça que c'est... du coup, enfin, je te livre mon ressenti, mais je vais te dire ensuite pourquoi j'ai ressenti ça. Du coup, puisque rien de ce que je proposais ne marchait, j'ai un peu perdu le fil, quoi. J'ai commencé à refaire des vannes. On peut peut-être citer des exemples tirés de la fiction, parce qu'après avoir été à l'auberge, on a embarqué sur le Titanic. Et là, on a cherché désespérément un plan pour essayer de couler le Titanic. Ce dont parle Flavie, c'est quand elle était essayée d'entrer en première classe. Mais non, il n'y a pas que ça. Hein. Pas que c'est, ça. Quelque chose que je demandais, c'était pas bon. Tu m'as dit que tu décrochais, donc moi je reprends. Non, il n'y a pas que là. Hein. Moi, je t'ai dit que je décrochais aussi après. Hein. Il faut raconter pour les auditeurs. Oui. Donc, le personnage de Flavie essaye d'entrer en première classe. Il y a un groom du Titanic, il y a un système de sécurité. Ensuite, Yosei essaye quelque chose, c'est un échec. Ensuite, Yosei descend en bas, c'est un échec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? C'était un autre échec. En fait, il y a eu un problème, dans la scène de Yosei, il y a eu un problème qui est assez récurrent, j'ai envie de dire, dans le jeu de rôle classique, c'est le joueur qui s'imagine qu'il fait quelque chose, tandis que le MJ s'imagine qu'il en fait une autre. Typiquement, elle voulait occuper les gardes pour te permettre de passer, tandis que Adrien n'avait pas compris ça. Quand les gardes s'occupaient de Yosei, évidemment, il y avait d'autres gardes qui venaient prendre la relève. Alors que dans la tête de Yosei, les gardes qu'elle était en train d'occuper en faisant sa scène de « Oh mon Dieu, je m'évanouis, au secours !» les gardes étaient du coup occupés à s'occuper d'elle, et donc toi, tu pouvais passer. Autrement dit, l'action de Yosei était ratée dans la mesure où Adrien n'avait pas la même vision de la scène que Yosei. Alors moi, il y a un autre truc qui m'a bloqué aussi, c'est le fait que tu n'annonces pas les seuils à dépasser. Moi, j'ai l'impression que c'était... Du coup, tu lances ton jet de dés, tu fais ton jet de dés, mais tu ne sais pas en fait si tu vas... tu sais pas ce que tu dois faire, ni ce que tu dois dépasser. Et du coup, normalement, quand tu lances le jet de dés, tu sais, tu as un petit peu le petit frisson, genre, est-ce que je vais dépasser le machin et tout, qui va très bien, du coup, dans des trucs un peu horrifiques, parce que du coup, tu te sens un peu en synesthésie, tu vois, genre, ah, tu ressens un peu le truc. Et là, du coup, moi, je lançais le dé, mais je savais pas du tout si les scènes étaient difficiles à faire, s'il fallait que je fasse quelque chose de fort. Et du coup, ça servait un peu à rien de lancer les dés. Quand je les lançais, ça m'a... Alors, c'est mon ressenti. Alors, Adrien, je trouve ça un peu démotivant. C'est bizarre en plus, parce que vu qu'il y a une stratégie d'essayer de faire le plus haut possible, ce serait sympa d'annoncer le seuil. Et que, tu sais, comme ça, le joueur, il prendrait le risque de lancer plus les dés noirs... Ça pourrait être intéressant. En plus, tu as parlé d'un truc qui est vachement bien. C'est que. Attends, Flav, il faut lui laisser le temps de répondre un peu. Après, merci. Il s'en prend plein la gueule depuis tout à l'heure. J'allais dire un truc bien, du coup. Je termine de passer, je vais me fondre avec le micro. Alors, parce qu'on t'a pris sur plusieurs scènes. Après, au niveau des refus, mais là, c'est vraiment. L'idée était vraiment spéciale, cette partie. Et vraiment, je vais pas dire que tu as eu que des mauvaises idées, mais. Il y a plein de trucs où je pouvais pas dire. Tu trouves qu'on a été trop rentre dedans en fait. C'est-à-dire, on a voulu résoudre le scénar en deux coups. C'est juste que des fois, le joueur peut avoir des bonnes idées qui peuvent vraiment l'aider, même s'il a pas la bonne compétence de base, une bonne idée qui peut marcher. Par exemple, Mario Sam m'a fait un super replay d'intimidation contre un type, même si son jet était quand même assez moyen, est devenu assez bon pour contraindre le PNJ à se ranger. Mais là, des fois, le PJ peut aussi avoir des mauvaises idées. Et donc, Mais tu vois, par exemple, tu vois, elle fait vachement bien son roleplay. Oui. Tu nous donnes quelqu'un pour nous faire faire le tour des machines. Mmh. Mais au final, c'est quelqu'un qui ne peut pas nous aider. J'avais l'impression que ça ne servait à rien. Il nous a quand même dit des trucs. Ah, il nous a dit, là, c'est les machines. Il vous a fait visiter le truc. Il vous a dit, s'il décollait pas très haut, il avait quand même une utilité. Bah au final, c'est quand Yosei est retournée voir le premier gars et qu'elle a refait quelque chose en fait, que finalement ça a marché. Au final, ça son premier roleplay a la situation, mais vous aviez déjà vous n'aviez pas rien. À tout moment, on aurait pu dire à Adrien, on a visité cette salle, donc on la connaît bien. Mais on était avec le gars. Si vous avez donc c'est visité, ça que tu veux dire. Non, d'ailleurs, pas rien donné. Pour répondre à ce que tu disais, T'as fait péter le... D'ailleurs, vas-y. Quand tu disais, effectivement, ça va peut-être nous servir à quelque chose, on l'a utilisé plus tard, on devait poser des explosifs dans le navire, et on a dit que, voilà, on se servait en fait de cette visite. Voilà. Pour savoir où placer nos explosifs, on ne l'a pas réexpliqué. Oui, mais heureusement qu'ensuite, voilà. Yosei est retourné voir le premier gars qui l'avait envoyé chier pour avoir les infos, de savoir où il fallait placer quoi. Parce que sinon, on n'aurait même pas su, en fait. Je vais me permettre de couper un petit peu l'échange qu'il y a actuellement, parce que j'ai l'impression que... moi, je n'ai pas l'habitude d'être présent sur ce podcast. J'ai l'impression que sur les podcasts One Shot. Voilà, One Shot, oui, tout à fait. Là, j'ai l'impression qu'on parle plus en fait de comment on a joué ce scénario avec Adrien, je précise bien avec Adrien, que du jeu en lui-même. Eh oui, mais le problème, c'est le principe de one shot. Voilà. Et le principe, en fait, le principe de one shot, c'est d'expliquer aux auditeurs que c'est important de bien faire une base de jeu de rôle de façon à ce que n'importe quel MMJ puisse prendre la base et jouer by the book avec vraiment le plus proche possible des règles données dans le bouquin et donner une bonne partie. Si Chatarian nous dit « Bah moi, j'ai joué engrenage, mais à ma façon, du coup, on teste plus engrenage. » Mais du coup, on doit quand même parler de la partie, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'est normal. Du coup, l'idée d'annoncer le seuil avant un jet, eh ben, c'est un truc tout bête, mais il y a un truc que tu as dit que tu faisais après, tu as dit que tu baissais le seuil quand le roleplay marchait. Oui. Et c'est hyper motivant parce que du coup, ça récompense déjà le roleplay. Et qu'en plus, si ça a baissé le seuil, tu sais qu'il a baissé et tu sais que du coup, ton jet peut passer. C'est vachement chouette. Ça, c'est vraiment spécial parce que c'est un automatisme que j'ai, mais pas juste un grenage, c'est vraiment un automatisme que je joue dans n'importe quel jeu de rôle, que ce soit du STN, que ce soit du Donjons et Dragons. J'ai toujours fait, je pense que beaucoup d'ailleurs de MJ non aussi. Hein, non, pas forcément. Oui, justement. Pas forcément. Mais donc, oui, c'est bon. Et je pense qu'il sera, faudrait que ce soit vraiment mis dans la base. C'est une bonne idée. J'ai déjà plein de. Le but de l'engrenage, c'est vraiment de liberté MJ, de donner un maximum de guides, de conseils pour jouer en grenage, pour aller avec la base d'univers, de donner un maximum de conseils pour jouer. Et ça récompense. Fera partie évidemment des conseils. Puis c'est une pure récompense du coup pour le joueur qui du coup est motivé pour bien jouer son perso et ça amène plus de choses encore. Shadow. Oui, et du coup c'est très important comme tu disais de le préciser et d'annoncer le seuil même s'il est rabaissé parce que cette sensation de frustration que tu as eue, Fly, n'aurait pas existé parce que tu fais ton jet, tu rates. Bon, c'est de ta faute. Voilà, parce que du coup, ta faute, on avait un peu l'impression que c'était que si tu n'avais pas envie qu'on réussisse quelque chose, du coup, le jet, qu'il soit réussi, c'était pas transparent, pas tu vois. Voilà, c'est ça. C'était pas transparent. Mais attendez, au-delà de ça, moi, je trouve que pour Engrenage, ce serait vachement intéressant d'annoncer le seuil, parce que dans Engrenage, il y a le système suivant. Soit on a 4 points, donc on fait compétence plus, comment t'appelles ça, des caractéristiques. Compétence plus caractéristiques, oui. Donc, du coup, tu as, par exemple, alors je vais prendre ma fiche, puis comme ça, on va donner un petit exemple, c'est très intéressant. Tu vois, par exemple, moi, j'ai sang-froid à 2 et perception à 2, donc ça me fait 4 points de base. Mm-hmm. Je vais avoir un seuil, mettons, à dépasser de je ne sais pas, et c'est ça le problème, c'est que tu ne dis pas. Donc, du coup, j'ai 4. Si j'ai le 2 choix, c'est soit je lance un seul D12, auquel cas j'ai un plus 4 de toute façon au résultat. Donc, si je fais 6 par exemple sur le D12, ça fait 6 parce qu'il y a le D12, plus 4 parce que j'ai lancé qu'un seul dé, et 4 aussi parce que j'ai sang-froid plus perception égale 4. Au final, ça me fait un résultat de 4 plus 4, 8 plus 6, 14. Donc ça, c'est une première manière d'atteindre un seuil. Là, en l'occurrence, c'est une réussite à 14. Et puis, j'ai une deuxième manière d'atteindre le résultat, c'est de lancer 2 dés. Cette fois-ci, je n'ai pas de bonus fixe, c'est-à-dire je n'ai pas mon plus 4 normal. Mais par contre, je lance 2 dés 12. Donc, si on regarde une moyenne de lancer 2 dés 12, c'est un peu avantageux de lancer les 2D12 et surtout ça permet de faire une réussite un peu plus explosive. Je peux très bien me retrouver avec 2D10 et du coup faire un 24 en perception plus sang-froid. Et tu vois, si tu annonces, là où je veux en venir, c'est que mais par contre attention, si je lance les 2D, il y a cette histoire de dé de chaos qui est noir et de dé d'ordre qui est blanc. Plus le chaos, c'est-à-dire le dé noir, est avantagé, plus les PJ le joueur a une influence, une prise sur la narration. Inversement, plus c'est le dé blanc qui est élevé, plus c'est l'ordre qui l'emporte, Non, c'est mal expliqué, Adrien. Non, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est dans tous les cas, comment dire, c'est OMJ d'interpréter vraiment faut dire, les ascendants qui peuvent avoir un dé sur l'autre. Mais tu te rends compte ouais. Donc ça change quoi alors de lancer... Tout à l'heure, quand tu nous l'as expliqué, moi j'avais compris qu'en gros, quand le joueur amenait du chaos, c'était à lui d'expliquer que quand ça, il y avait de l'ordre. C'est spécial. Ah oui, oui, c'est pour les critiques. Oui, pardon. C'est pour les critiques. Excusez-moi, c'est vrai. Mais dans tous les cas, le fait d'annoncer le seuil amène le joueur, tu vois, à plus utiliser le système, à se dire, tiens, à faire un petit calcul du style, bon, allez, là j'ai un seuil qui est assez aisé, allez, je vais pas prendre de risque, je vais prendre mon dé blanc. Inversement, si tu lui donnes un seuil difficile, il va se dire, allez, là il faut que je prenne un risque, j'y vais. Alors, j'essaye. Moi, je vais prendre un petit peu sa défense, au pauvre petit. C'est qu'en fait. C'est vrai qu'il nous a traité de vieux tout à l'heure. Donc, du coup, on se venge. Au moment où, pendant la partie, ce fait-là lui avait été reproché, il nous avait signalé qu'en fait, sans dire de seuil exact, il indiquait si c'était un jet facile, plutôt difficile. D'accord. Et je reconnais qu'il l'a fait plusieurs fois dans la partie, au moment où moi je l'écoutais, mais je devais être la seule à l'écouter. Ah, d'accord. Et. Je pense que vous n'avez pas entendu parce que c'était des moments où ça partait bien en live à côté. D'accord. Et où moi je faisais des actions remettre les avec lui. Voilà, donc j'avoue que plusieurs fois il m'a annoncé, pas par des chiffres mais par des indications, d'accord, le type de difficulté qu'il attendait par rapport à mon jet. Alors, du coup, facile, c'est quoi? C'est des actions à 12, 14, etc. 12, ouais. Et difficile, c'est quoi? Difficile, on commence à aller au-dessus de 16, au-dessus de 17. Yes, ok. Et j'ai trouvé aussi tu vois, que. Ça, on ne savait pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas écouté. Faute, oui, mais en fait, j'ai trouvé aussi que ça se devinait par rapport à. Oui. Alors, ceci dit, non, au ça, bout on, de est d'accord. Lancers, on est d'accord. Tu arrives à trouver facilement la moyenne de moi tes aussi, lancers, qui était justement autour de 12, 13. Non, mais attention, je ne dis pas. Je donne juste on comprend bien, mais je comprends. Du coup, on comprend assez vite ce qui va réussir et ce qui va rater, si tu veux. Mais le fait. Je me disais, peut-être que le fait d'annoncer le seuil. Entraîner un petit choix stratégique qui pouvait être pas mal, notamment sur cette histoire d'acquérir la narration. Mais du coup, mais c'est tu vrai vois, que si par c'est exemple, juste sur le critique, moi, après ça l'avoir tombe à utilisé la une fois, je me suis dit qu'utiliser les deux dés, en fait, ça amenait trop de risques. Et du coup, j'ai pu lancer qu'un seul dé. Alors que si tu lances un seuil genre indépassable, sauf si tu arrives à faire un bon gros jet sur tes deux dés, t'es là, bon, bah, je vais quand même lancer les deux dés, quoi. Peut-être qu'il faudrait que le seul dé soit peut-être un petit peu plus risqué. Mais bon, le problème des dés 12, c'est que t'as un énorme... Il y a quand même un truc que j'aime bien remarquer quand même quand tu me dis que tu lançais qu'un seul dé à la fin, c'est qu'à chaque partie d'engrenage, il y a soit des joueurs qui viennent me voir, qui me disent qu'à la fin, oui, bah, moi, je préfère lancer que, que les deux dés, d'autres qui disent, bah, non, il faut lancer qu'un seul dé, etc. Et à chaque fois, j'ai des avis extrêmement divergents sur ça, et bien, pour le joueur qui en avis très tranché sur quel dé il faut lancer. Et moi, j'ai pas d'avis. Ça prouve que techniquement, les deux sont valables. Moi, j'ai pas d'avis, mais en même temps, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que je vois pas la différence, en fait. J'ai du mal à comprendre. Du coup, je comprends pas ce que ça apporte de lancer deux ou un seul. Mais je pense que c'est un truc que j'ai pas compris, mais j'ai pas compris ça. Bah, si... Shadow. Toi, t'avais l'air d'être au top là-dessus. T'avais tout compris là-dessus. C'est Shadow, il t'entend, il voilà. ne rien En fait, dit, quand c'est... on jette les deux dés, ordre ou chaos, en fonction de l'action, puisque c'est toujours différent, si le dé chaos est supérieur, il n'y a pas besoin d'une différence importante, mais si l'un est supérieur, l'action ne va pas tout à fait se dérouler de la même manière. Je reprends un exemple que tu avais dit tout à l'heure, quand tu avais présenté le jeu. Il me semble, c'est que voilà, si on assomme quelqu'un avec un dé de chaos supérieur au dé d'ordre, eh ben on risque de faire plus que l'assommer, quoi. Voilà, on prend un risque. En fait, avoir deux dés peut modifier la résolution de l'action dans un sens qu'on n'aurait pas forcément prévu. Le risque, il est là, en fait. Et si vraiment on fait un critique sur l'un des deux dés, une réussite critique, c'est soit le MJ qui définit la résolution de l'action, soit nous. Et là, ça a une importance aussi. D'accord, ok. Voilà. Il y a aussi, je reviens sur les seuils, il y a aussi quelque chose. Certes, les seuils, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on me dit sur la tension. C'est vrai que c'est une chose dans laquelle je repense quand j'ai joué à certains jeux de rôle. Les seuils ne sont pas annoncés, mais on les connaît, étant donné que c'est comme Cthulhu ou Warhammer V2. C'est des. Comment dire on joue avec ses propres compétences. Notre propre compétence, c'est le seuil. Là, il y a quand même une chose que j'aime bien mettre, c'est la nuance dans l'échec ou la réussite, qui est avec un seuil qui est moins possible. Parce qu'un seuil, c'est en dessous, c'est noir, au-dessus, c'est blanc. Moi, ce que je préfère, c'est mettre vraiment des nuances, c'est-à-dire que c'est pas, même si tu as fait un petit jet, par exemple pour l'enquête, là c'est, il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes dans le scénario, mais pour des scénarios où il y a plus d'enquêtes, c'est mettre de la nuance, c'est-à-dire voilà, tu as fait un petit jet, mais tu as quand même vu ça, toi tu as fait un plus gros jet, tu as vu ça de plus important. Et chacun apporte sa petite pierre. Ou alors, et pareil dans l'échec, tu as fait un échec, mais pas grand-chose, donc techniquement tu as réussi, mais tu auras une crasse. Une sorte de parenthèse, entre guillemets, c'est-à-dire de 1 à 100, tu arrives à faire ça. Ouais, mais si à, ça, à chaque jeu, je suis obligé d'expliquer tout le nuancier. Ouais, mais le truc, c'est que dans la base, il faut bien aider le MJ qui va apprendre le jeu en main. Oui, le MJ, mais pas annoncer au joueur le nuancier de réussite. Non, mais sans parler de nuancier, par exemple, si tu dis voilà, ta réussite. Merci. Ta réussite est à 12. Le joueur jette son dé, il fait 10. Rien ne t'empêche de lui donner une information. Après, il ne sait pas s'il a toute l'information. Lui, il ne sait pas ce que tu as entre les mains. Oui, mais il sait quand même qu'il a fait un échec. Pas forcément un échec. Il était proche du truc, évidemment. Voilà. S'il a fait 2... Oui, mais s'il a fait 10 et qu'on lui a dit que la réussite était 12, le joueur va tout de suite comprendre qu'il a un échec et va vraiment douter de ce qu'il a trouvé. Bah justement. C'est pour ça que je préfère dire des nuances comme facile, bon ou très bon, qui sont applicables. Mais j'essaierai de faire une partie vraiment avec des seuils. Mais moi, test. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que. Mais nous, on est juste là pour donner des conseils. Moi, j'ai notre ressenti. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est passé complètement à côté du jeu. Ah, si, il y a un truc qui était top. Je tiens à en parler. Il y a un truc vraiment que j'ai trouvé bien. Je ne sais pas si ce sera mis dans la base, mais à un moment, tu as fait un bonus pour entraide. C'est-à-dire, tu as dit à John Ben, le perso de Shadow, John Ben. Et en plus, il y a le perso de Yosei en plus qui est là et qui t'aide. Du coup, t'as un bonus. Alors, je sais plus c'était quoi, mais je me demandais si c'était dans la base. Parce que je trouve ça intéressant vu qu'on est une équipe d'amener un principe d'entraide. Je pense le mettre, mais comme pour le bonus roleplay, pour moi, c'est vraiment un automatisme. Ben non, justement. Mais je le mettrai dans la base si c'est compté dans les guides. C'est d'accord. Moi, je trouve ça intéressant. C'est une bonne idée. Donc, du coup, Après, un chapitre conseil OMJ, oui. Tu peux bien le mettre même, sans que façon, ce ne soit pris. De toute façon, le kit d'intro est parsemé de notes OMJ ou de conseils OMJ. D'accord. Alors, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être passé à côté du jeu. Tu me dis non, pas vraiment. Non, parce que tu as, comment dire, comme fait une partie... Dire, le système, tu l'as joué. Tu n'es pas complètement passé à côté non plus. En fait... J'ai réellement l'impression, après cette partie, Shadow. Moi, j'ai un ressenti assez similaire à Romaric. C'est pas qu'on soit passé à côté du jeu, parce que j'ai ressenti un potentiel dans le jeu, mais j'ai l'impression que sur notre scénario, on n'a pas vraiment vu le jeu. Enfin, il faut vraiment faire plusieurs parties. J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu à campagne pour vraiment découvrir l'horrifique. Enfin, et puis campagne, moi, j'avoue, tu m'avais fait rêver hein, le côté steampunk dans une ville qui s'appelle Avengreen avec une ville qui a l'air d'être un peu en vivante et tout. Moi, tu m'as fait rêver. Et au final, on se retrouve sur le Titanic où il n'y a pas vraiment de steampunk et où du coup, j'ai protégé un cactus quoi. Mais, voilà, c'est normal sur un scénario et justement c'est le ressenti d'être passé à côté du jeu, c'est parce qu'il faudrait faire peut-être 3-4 parties sans parler d'une grande campagne. 3, et 4, là, non mais 2 déjà serait bien. En fait on sent que dans cet univers il y a vraiment des choses à découvrir. Enfin, moi c'est l'impression que j'ai eue de pouvoir ouvrir des portes et me faire surprendre à chaque fois, sauf que... Ben, sauf que... C'est marrant que tu parles de ça parce que voilà. Justement le scénario tripe autour et de sauf porte que... à ouvrir. Sauf qu'en fait dans un scénario on a le temps d'entrouvrir une porte seulement quoi. Voilà, moi c'est ça aussi. C'est un peu le regret que j'ai aussi. Mais... Ouais. Mais c'est le temps hein, vraiment. Et pourtant on t'a c'est peut-être un peu ça aussi, ouais. C'est que même si on a un peu allongé, quand il est très tard, ouais. On n'a pas vraiment eu le temps de. Mais moi j'ai bien, enfin au moment où l'horrifique a commencé, d'abord la musique est revenue. Et mine de rien, ouais. Ça jouait énormément. Et moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, le jeu commence. Tu vois, moi, c'est ça que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, ah, ça y est, on a passé l'intro réelle. Ouais, bon, voilà, et là, le fantastique arrive et l'intro est finie, le jeu commence. Et je me dis, putain, c'est con, le jeu commence et moi, je suis crevé, tu vois. Oui, c'est pour ça que je dis, j'ai pas ça. C'est lié à la partie. Parce que là, je l'avais expliqué à la fin, mais je crois que tu étais parti à ce moment-là. T'avais que vraiment l'horrifique dans ce scénario, c'était vraiment quelque chose à voir sur le progressif. D'ailleurs, techniquement, la nuit, il vous est rien arrivé. Hein. Vous avez vu des portes froides. Et sinon, c'est tout. Quoi. Vous avez passé une mauvaise nuit, point. Vous n'avez rien eu, vous n'avez pas vraiment encore vu grand-chose de très traumatisant. C'est vraiment le trip de l'explication alternative du naufrage du Titanic. Yosei, je te vois... En fait, oui, j'hésitais un peu parce que ce que je vais dire se rapporte justement à ce scénario-là et pas au jeu en général. Le problème que j'ai trouvé à ce scénario-là, c'est qu'on se retrouve à préparer le fait de couler un bateau comme le Titanic 1h30 à l'avance. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Par contre, chercher les informations, ça a pris 3 plombes, hein, faut être honnête. Bon, peut-être parce qu'on faisait n'importe quoi aussi, mais voilà. Et effectivement, l'horrifique est arrivé au moment où on a l'impression de quelque part d'avoir rien fait, d'avoir galéré pendant 3 heures. Donc, le moment où on aurait dû mettre le plan en marche a été trop rapide. Donc, on s'est retrouvé sur place à n'avoir aucun plan et à faire n'importe quoi. Et l'horrifique est arrivé un petit peu trop tard parce que c'était aussi la partie que j'attendais avec impatience. Voilà. Tu ne crois pas que ce serait intéressant de laisser les joueurs avoir le droit de faire des flashbacks avec leurs personnages? Dire, bah tiens, avant qu'on arrive sur... De toute façon, comme ça, tu gardes un peu le côté scénar immédiates. Genre, tu sais, on commence direct dans l'action. C'est ça que tu voulais. Ouais, non, mais je sais bien, je vois bien le truc. Mais en même temps, tu permets aux joueurs de faire des petits flashbacks dans lesquels ils auraient pu commencer à négocier des trucs avec la mafia irlandaise. Ou alors la nana Marshall leur a donné un plan à suivre, hein, tout simplement. Du coup, le plan est amené. Ça va pas un peu si vraiment... Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime bien avec ce scénario... Même si là, c'est vrai que vous avez galéré pendant 3 heures. c'est qu'à chaque fois, les joueurs trouvent un plan nouveau, quasiment nouveau, quoi. Pour ce truc. C'est un bac à sable. C'est un truc où vraiment on est coincé sur un bateau, mais c'est un immense bac à sable, en fait. Ouais. Alors, vous avez un nombre de choses à faire. Je vais me permettre d'intervenir. Shadow. En fait. T'as le droit, c'est... Oui, c'est le principe des invités. Je vais couper la parole, en fait, parce que vous étiez en train d'échanger. Shadow. Alors, c'est personnel, hein, d'autres pourraient me soutenir le contraire, mais moi, je trouve que découvrir un jeu sur un scénario bac à sable, c'est très difficile. Je préfère avoir un kit, enfin, une initiation sur un jeu plutôt linéaire qui va me montrer différents aspects du jeu, m'emmener à des endroits en me disant, regarde, je t'ouvre un petit peu à la lucarne, tu vois, il y a un truc derrière, tac, je referme, je t'emmène au suivant, tac, je te montre un peu. Et à la fin du scénario, je me dis, oh là là, oh là, il y a quelque chose à faire avec ce jeu. Mmh. Et un bac à sable, quand on ne maîtrise pas l'univers, puisqu'on était là pour le découvrir, au final... Ça dépend vraiment, j'allais dire, tu peux me soutenir le contraire, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Moi, on a papillonné, du coup, on a peut-être perdu du temps parce que nous, si on nous met la possibilité de faire une connerie sous le nez, qu'est-ce qui se passe? On passe 3 heures dessus à faire une connerie et voilà. Après, j'ai pas voulu vous faire faire le scénario du kit d'intro. Justement, au cas où vous voudriez après le jouer. Ah, évidemment. J'espère. Ah oui, bien sûr. Je vous fais un autre scénar. Non, mais c'est bien. Comme ça, tu spoiles pas les gens qui vont télécharger. Exactement. Trop. C'est pas plus mal. J'ai une question sur les points de majesté. Oui. Les points de majesté, j'ai vu qu'on pouvait en avoir quand même pas mal. Hein. Par exemple, moi, je pouvais en avoir 8. Bah, t'avais un perso fait pour en même temps. Ouais, mais je trouvais que je lançais pas assez les dés pour pouvoir accumuler les points de majesté. Or, on les utilise en plus 2 par 2, donc c'est quand même des trucs qui vont descendre assez vite. Je me demandais si du coup on les gardait d'un scénar à l'autre, ou s'il fallait tous les utiliser pendant un scénar. Oui, on les garde, c'est justement pour ça que la jauge est importante, et toi à 8, t'as vraiment une grosse jauge de majesté. D'accord. Ce qui m'amène sur une des choses que je voulais te poser comme... 2 choses en fait. Les points de majesté, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Parce qu'on a bien vu qu'Yosei, du coup, quand elle a utilisé son point de majesté, en fait, c'est pas genre tu deviens une méga superstar qui peut faire n'importe quoi avec une chaise et tuer quelqu'un avec un éclat dans l'œil, quoi. Du coup, quelles sont les limites du point de majesté? Il y a une scène, il faut raconter la fiction, parce que sinon on va encore se faire engueuler. Il y a eu une scène de combat, en fait, sur le Titanic. Où Yosei et le James Bond sur le retour ont commencé à blaster 2 policiers, mais un peu policiers d'une paranormale, j'ai l'impression. Oui. Ils étaient, ouais. Mulder et Scully avec des chapeaux melons. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a commencé à friter. Et au cours de cette scène, Yosei a dépensé des points de majesté pour effectuer une action qui lui permette d'immobiliser finalement les 2 adversaires, ce qui était seul face aux 2 adversaires. Elle en a tué un et immobilisé un autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bourrin. Et au début, ce qu'elle voulait faire, c'était les tuer les 2, en fait, hein, d'un seul coup, sans qu'ils aient le temps de rien faire. Ouais, ouais. Donc, t'as dit non, t'en tues un. Dit non. Ouais. Parce que c'était pas deux figurants, c'était des vrais PNJ. Ouais, du coup, quelles sont les limites des points de majesté? Est-ce que on devient pas un super héros, quoi? Non, on devient pas un super héros, c'est une action qui est très forte, mais on peut pas non plus plier un combat, ça perdra même du goût, quoi. Si tu plies un combat juste en utilisant tes deux points de majesté, et t'as tous les autres qui restent sur le carreau à dire t'as fini tout seul. Félicitations. Ok, d'accord. Tu peux tuer autant de figurants que tu veux. Ça permet de faire une action, une belle action, mais ça permet pas de finir une action, finir un combat, une scène d'un coup. C'est contre l'intérêt des points de majesté. L'intérêt, c'est de relancer, de faire un truc beau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, j'ai une question, en fait, c'est... du coup, dans le vrai jeu, comment se forme le groupe et qu'en fait, quand on joue pas en one shot, quel est le but du groupe au final? Le but du groupe, c'est vraiment à déterminer selon le scénario. Généralement, c'est énormément ça. Pour ceux qui ont joué à Shadowrun, c'est un peu le même système que les Shadowrunners, donc. C'est-à-dire, c'est des grosses corporations. Un mania de telle ou telle industrie du coup c'est pas du tout. Fallait nous expliquer ça parce que moi du coup j'ai joué en fait mon personnage comme si c'était un philosophe, pas comme si c'était un mercenaire. Après ça a joué. Disons que ça dépend. Après ça peut aussi. Je vous dis ça c'est une possibilité, mais on mettra aussi d'autres possibilités qui seront plus après dans du Cthulhu. Vous êtes cousin, vous avez hérité votre mais ça, c'est plus maison du d'un grand-oncle. Allez donc visiter cette maison. Du coup, la version one-shot, c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est un truc horrifique. Et ensuite, il y a le Shadowrunner. Mais du coup, si on fait des sortes de runners, au final, on ne peut pas faire n'importe quoi comme perso, parce que sinon, on va se retrouver... Enfin, tu ne peux clairement pas faire une laminette qui a son cactus. Je vais me faire défoncer si j'ai ça sur une campagne, ça va pas le faire du tout. Quoi. Bah oui et non. Après, ça peut être ça peut être aussi intéressant d'avoir les personnages un peu décalés. Mais c'est que vous avez quand même pas des personnages qui sont en commandes mortelles. Vous avez une barre de majesté, vous avez des compétences. Vous êtes des héros. Vous êtes un peu plus. Vous êtes les personnages principaux, disons. Voilà. Shadow, vous n'êtes pas des héros. Vous êtes les personnages principaux. Je repensais à un moment de la fiction, justement, quand on dit on serait des sortes de Shadowrunner, il y a une problématique qui s'est posée, en fait. Notre mission, c'était de couler un navire. Si on avait été des Shadowrunner, on prend cette mission ou on ne la prend pas. Là, en l'occurrence, on l'aurait prise, on la mène à terme. Mais en fait, moi, j'ai senti un petit peu comme si on était des personnages qui... comme si on avait une dette, en fait... Marshall et qu'on y allait parce que c'était une amie ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, la problématique s'est posée à Tetsu, donc Romaric, de se dire, ok, moi j'ai pris cette mission parce que j'ai de la considération pour Elisabeth Marshall, mais elle me demande de couler un navire avec des milliers de personnes dessus, c'est non. Et du coup, on s'est retrouvé dans une autre problématique. Pour l'intrigue du jeu, du scénario en soi, ça n'avait que peu d'importance. La résolution. Mais je dois admettre qu'on a la première à se poser des questions d'ordre éthique. C'était 9 parties jouées. Est-ce qu'on tue. Quand est-ce qu'on coule le navire? Quel est le but de la mission? Ils n'avaient pas tous morts, il y avait des canaux de sauvetage quand même. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que sur l'affiche que tu m'as passée pour le pré-tirer, il y a écrit que mon but, c'est de faire en sorte qu'elle médite. Qu'elle édite mon livre qui s'appelle Des expressions métaphysiques du corps. Donc moi je rends des services à Elisabeth dans l'idée qu'un jour, grâce à sa puissance économique, elle puisse financer l'édition de mon livre. Je crois pas que ça justifie le meurtre de milliers de gens sur le Titanic. Il n'y avait pas des milliers. Voilà, alors que si on avait été des Shadowrunners, la mission, on la connaît, on l'étudie avant, on l'accepte, on la refuse. Et puis les Shadowrunners, c'est des putains de meurtriers. Voilà, l'éthique ne se pose pas. Voilà. Mais c'est encore une fois, on revient. Je vais te donner le micro tout de suite après. On revient un petit peu à la problématique du début, c'est que les personnages peut-être ne sont pas dans la couleur du jeu en fait. Les prétirés. Yosei, vous voulez ajouter quelque chose et après on donne la parole à Adrien. Juste une petite phrase, ça revient sur le fait, surtout la première réflexion qui a été faite, c'est qu'on est les premiers joueurs à s'être vraiment pris dans les personnages et avoir un roleplay qui correspondait à nos personnages. Peut-être comme c'est un one shot. Et que tu l'as beaucoup fait jouer en convention, d'après ce que j'ai cru comprendre. Les traits comiques des personnages ont pu faire triper les joueurs, mais ils s'y sont pas attachés plus que ça, parce qu'ils avaient une mission, et c'est un one-shot, ils n'ont pas réfléchi, ils ont fait leur mission. C'est vrai que du moment où tu prends ton personnage réellement avec le petit background qui nous est donné, tu peux pas. Enfin, tu peux pas être roleplay et accomplir la mission qui est donnée. Enfin, moi, ça me posait pas de problème. J'étais une psychopathe, mais pour le personnage de Romaric, par exemple, c'était pas crédible, quoi. Oui, il y a ça, mais c'est vrai que ces personnages sont surtout là pour vraiment que tu t'attaches rapidement à ce personnage. Tu vois, là, tu remarques qu'il y a des tics, etc. Non, mais franchement, quand tu as présenté les persos cet après-midi, j'ai trouvé ça ultra fun. Il donnait vraiment envie. Mais les trucs, c'est sont-ils adaptés à cet univers ? Le prendre, etc. De jouer avec, d'avoir ces tics. Mais là, c'est vrai que ça allait très loin dans l'immersion au niveau des personnages. Mais alors, il faut savoir que là, tu as 4 joueurs de sens. Donc des gens qui a priori aiment l'immersion justement et qui aiment être dans leur personnage, c'est ça aussi, c'est peut-être un biais ici sur ce podcast. Après, non mais honnêtement c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Mais parce que généralement certains vont pas si loin dans l'animation que le personnage, mais là c'est bien, ça montre un peu, on va y réfléchir. Flavie, Moi j'avais des questions sur comment dans la base est décrite la création de personnages. Est-ce que vous donnez des conseils ? Est-ce que vous précisez qu'ils doivent être humoristiques ? Et est-ce que vous précisez la couleur des personnages ? Est-ce qu'ils sont recommandés devant être sérieux ou pas ? Donc déjà dans le kit de démo, il n'y a pas la base de création de personnages. Le kit de démo contient que des préfets. Et que, pour l'instant on est en train de bosser dessus actuellement sur la création de personnages, sur comment on les crée. On a un petit système pour le créer entre nous, entre auteurs. On n'a pas une vraie base. Au niveau de ce qui sera pour créer des personnages, il y aura une liste. Comment dire ? Tu me posais quoi vraiment ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont une éthique ? Est-ce qu'il y a une couleur pour les personnages ? Est-ce qu'ils doivent être humoristiques ? Est-ce qu'il y a des conseils pour les créer ? Est-ce qu'il faut les recommander sérieux ou pas ? Une couleur, non, justement, on a vraiment envie de donner plus de liberté au truc. Ouais. Parce que même si dans la. Comment dire ? C'est le problème du jeu. C'est que selon moi, le problème, c'est que vous voulez donner de la liberté, mais du coup, en voulant faire tout, vous ne faites rien. C'est ça le problème. C'est qu'il faut que vous choisissiez à un moment donné. Il va y avoir un choix de propos à faire. Ou alors, je pense qu'ils doivent préciser, peut-être, si vous voulez faire une campagne vraiment sérieuse, préciser que, en gros, vos personnages ne doivent pas faire n'importe quoi, quoi. Adrien. Oui, oui. Parce que tu vois, imagine que tu te retrouves avec un espion sur le retour à côté d'un perso un peu trickster, comme le cactus de Flavie. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Pauvre Pampa. Qu'est-ce que t'en penses ? Après, comment dire, j'ai peut-être dit une bêtise, mais au niveau des personnages de romans, quand on remarque, c'est pas toujours, ils sont pas toujours super adaptés à la situation. Mais c'est des romans. Ouais, mais, oui, oui, on va d'accord. 6PO, forcément, dans Star Wars, est totalement inadapté, mais parce que c'est clair, et ça fonctionne très très bien. Le décalage crée de l'humour, mais ça, c'est un roman, c'est-à-dire que l'auteur choisit ses blagues à l'avance, etc. C'est pas sûr que dans le jeu de rôle et dans le roman, les mêmes choses fonctionnent. C'est pas le même média, il y a pas la même liberté. Je te pose la question du coup. J'essaye. Et pourquoi ne pas partir par exemple sur un mode de création de personnage comme Cthulhu, où suivant le mode de jeu que tu choisis, pulp, aventure ou horreur, t'as carrément des caractéristiques de tes personnages qui changent lors de la construction du personnage. C'est dans quel système de jeu ça ? Dans le nouveau Cthulhu V6 de Sans Détour. D'accord, ok. Voilà. Ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de garder votre liberté tout en encadrant mieux vos joueurs lors de la création. Je pense plus que c'est la couleur laquelle on influencera les joueurs suivant le bon vouloir du MJ. Mais ça aussi, il y aura des guides pour le MJ. Et du coup, sur la fiche de perso, j'ai remarqué que du coup, il y avait une énorme place pour un cadre photo. Par expérience, je connais très peu de gens qui généralement dessinent quelque chose dans le cadre photo. Pourquoi oui, bon, voilà. Tout le monde a dessiné. Ah ben non, moi justement, je. Ouais, je... Mais faire une petite place pour le background sur la fiche perso. Alors, il nous a distribué une fiche. S'il y a besoin de me faire une seconde fiche pour le background, autant le faire déjà sur la fiche. Déjà au niveau du portrait, je conteste, il y en a plein, je crois d'ailleurs. Voilà, je dis juste que le background, moment de ramasser toutes les fiches de convention pour faire un livre d'or de tous les gribouillis qu'on a eu, je te jure qu'on en a eu des tonnes. Ah bah du coup, tonnes. Je t'en fais un, attends, j'avais rien dessiné parce que j'avais peur, alors là, j'en fais un. Oui, attention, là en marche. Non, ensuite pour la fiche de personnage, alors là, c'est une fiche de one shot qui tient en une page. Je sais pas si vous ça vous a marqué, mais beaucoup, c'est un retour qu'on a beaucoup eu, que c'était bien que le système soit accessible et simple. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était assez bien sur ce point-là, que ça tienne en une page, que le système soit pas si compliqué. Mais pour jouer en campagne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura donné dans le manuel qu'on sortira pour le MJ une version étendue de la fiche. C'est-à-dire, ce sera une seconde. Et en fait, tu auras, avec ces deux feuilles, on les pliera comme une sorte de petit carnet. Et donc, il y aura beaucoup plus de pages pour le background, pour les contacts du personnage, etc. Ce sera une fiche étendue, un vrai livret de campagne. Vous plierez, vous aurez votre petite feuille. Donc ça, c'est bien. Votre petit feuillet A5, en fait, que vous déplierez comme un carnet. Comme un carnet que vous gardez de personnages. Là, c'est une feuille vraiment pour le one-shot qui tourne une page. On peut facilement... Il y a tout sur cette feuille. Il y a vraiment tout. Ah, mais c'est bien parce que vu ce que tu décrivais pour ce que tu voulais faire, du coup, il me semblait important quand même d'avoir un background quelque part. Mais cette feuille-là, elle permet rapidement d'acquérir le personnage. Tout est là, vous n'avez pas à la retourner, à la tourner, tout. Vous avez tout. Alors là, c'est une question ultra technique que je vais te poser. Je ne comprends pas, il y a la caractéristique charme. Parce que tu as une compétence charme et une caractéristique charisme. Et du coup, quand est-ce que tu utilises charme et charisme, c'est pas déjà charme en fait? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Charisme, c'est le comment dire? Sauf que c'est pas pareil. Charisme, déjà, c'est une caractéristique et charme, c'est une compétence. T'es con. Ouais, je sais. Tu peux avoir une personne qui a du charisme et qui n'a je vais réfléchir deux secondes. Je vois pas charme. Pour moi, le charme et le charisme, en fait, c'est la même chose. Une personne qui a du charisme et qui fait peur. Non, charisme, tout simplement. C'est charme, c'est vraiment drague. C'est la séduction, charisme, en fait. C'est une caractéristique, c'est quelque chose que tu as de base sans aucune expérience. Donc charme, c'est au sens de faire charisme, des charmes. C'est draguer. Oui, c'est draguer. Presque ça. Ouais. Charisme, c'est ta capacité à interagir avec les gens. Ouais. Est-ce que tu rayonnes naturellement? Et charme, c'est ta capacité à faire en sorte qu'une personne s'attache à toi. C'est-à-dire que, en fait, on choisit de faire du charme, mais on ne choisit pas d'avoir du charisme. Oui. Donc du coup, est-ce que tu crois que la compétence est bien choisie ici? Peut-être qu'il faudrait changer l'énoncé. De mot, c'est un peu confusant. Voilà, l'énoncé charme devrait être transformé en séduction, par exemple. Peut-être. Je sais pas, ça me semble pareil. Ouais, ça te semble pareil, d'accord. Okay. Bon. Parce que vraiment, charisme, c'est comment dire, ça peut servir à plusieurs choses. Une fois que tu sais bien gérer tes interactions avec les autres, évidemment, ça devient normal de savoir argumenter, de savoir utiliser l'empathie, d'avoir un sens de l'étiquette, etc. Alors, autre petit truc, c'est sciences académiques et archéologie, c'est deux choses différentes. Oui, ça par contre, c'est l'univers. C'est comment dire, il y a plusieurs compétences qui sont dans les jeux de rôle qui sont là à cause du contexte de l'univers. Ouais. Et notamment archéologie, c'est vraiment là. Il y a tout un côté pulp, par exemple, qui est généré. Donc la compétence archéologie, il y a beaucoup évidemment de trucs sur les temples perdus, la découverte de civilisations, l'enquête. D'accord. Ouais. Et archéologie, elle comprend à la fois l'histoire, les techniques d'archéologie. La compétence existe indépendamment des connaissances académiques façon à encourager les joueurs à créer dans ce sens-là. Voilà, quand on a dit, ils prédisent, je vais prendre un archéologue. Beaucoup en fait vont prendre ce choix car c'est un truc qui est très présent. Et voilà, directement compétence archéologique qui me donne le moyen de faire. Académique, ça permet de regrouper un peu ensemble toutes les personnes qui sont vraiment les personnes qui font beaucoup dans la théorie, les personnes qui vont dans les facultés, qui font les grands feuillets, donc que personne ne comprend avec tous ces chiffres et ces symboles. Ça regroupe dans son sens académique. Pourquoi l'argumentation est sous la caractéristique charisme et sang-froid? Est-ce qu'elle ne serait pas mieux quand même sous intelligence et volonté? L'argumentation, ça semble être plutôt le fruit de l'intelligence et de la volonté que... Malheureusement, là par contre... Là, c'est vraiment des questions de points de détail. Hein, oui. Là, pour argumentation, je préfère... En fait, c'est cette histoire d'âme intérieure et d'âme extérieure en fait, qui t'a orienté beaucoup, non? Il y a ça déjà. Je pense plus que c'est l'argumentation, mais malheureusement, c'est une caractéristique sociale parce que tu as beau avoir des bons arguments, si tu ne sais pas les sortir, si tu as du mal, si tu es mal à l'aise en public, tu as de toute façon du mal. Et malheureusement, on voit très souvent des personnes qui, avec de l'esbrouf complète, arrivent à argumenter. L'argumentation, c'est pas la persuasion. J'ai l'impression que tu fais une confusion entre les deux. La persuasion, c'est la rhétorique, c'est l'art de convaincre par l'émotion. C'est quoi la différence entre l'argumentation, c'est des arguments rationnels basés sur des faits et une analyse scientifique. C'est-à-dire que c'est l'argumentation, il y a une logique, donc, il y a une cohérence. Un argument rationnel n'est pas un argument, donc. Absolument, c'est pas un... En fait, ce qu'il essaye de te dire, c'est que tu peux avoir de très bons arguments Et ne pas savoir les exprimer. C'est quand même de l'argumentation. Faut la pas controverse perdre. De Valladolid, qui est l'exemple typique qu'on donne en français pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'on a deux adversaires face à face, Las Casas et je ne sais jamais le nom du deuxième. Le premier joue sur la persuasion et l'émotion en essayant de défendre que les Indiens sont des hommes, qu'ils ont une âme, etc. et l'autre se base sur une argumentation rationnelle pour montrer que les Indiens n'ont pas d'âme et donc sont des esclaves que l'on peut exploiter. Bah... Donc les deux s'affrontent en fait avec deux méthodes d'argumentation. Bah ça, tu vois, c'est argumentation, ça reste une méthode d'argumentation justement, mais il y a Kawer dedans. C'est ça, c'est méthode argumentative. Mais avec dans argumentation, tu peux avoir Kawer. Utiliser l'ordre chaos pour argumenter, ça donne vraiment pas le même résultat. D'accord. Ça, c'est intéressant, par contre, que les dés... Faut quand même comprendre que chaque compétence est vraiment un double... pour certaines, c'est plus flagrant que pour d'autres, mais la plupart des compétences ont vraiment un double fond avec ordre à chaos. Une argumentation à l'ordre sera extrêmement scientifique, très plat, donc l'argumentation sera beaucoup plus de la persuasion si tu utilises chaos. Ah, donc, il faut vraiment bien le préciser ça. Mais du coup, sans spoiler ni rien, le fait qu'il y ait de l'ordre et du chaos dans les dés, qui ont l'air d'être quelque chose de très très présent dans l'univers, est-ce que ça va amener des secrets sur l'ordre et le chaos? Bien sûr, de toute façon, Engrenage est un univers à secrets qu'on compte bien développer en profondeur. D'accord, ok. Et donc, du coup, le fait d'avoir un dé noir, un dé blanc, et de réussir avec du dé noir ou du dé blanc, influence la nature de l'action et également la métaphysique du jeu. Pour l'instant, dans les one-shots, on ne fait pas ça, mais on pense, pour certains scénarios, d'avoir des compteurs, en fait, pour le MJ, de combien de fois des dés blancs ont été lancés et combien de fois des dés noirs ont été lancés. C'est une piste de gameplay en quelque sorte qu'on est en train de développer. Parce que je commence à comprendre la cohérence du jeu en fait. Si on réfléchit bien, ce scénario, on jouait dans un Titanic et les fantasmes des gens se réalisaient. C'est exactement le même procédé que comment Picatoulou appelle l'égrégore dans Influenza. Donc si vous avez écouté Émile Vaux, donc si vous avez écouté ces deux podcasts, vous voyez de quoi je parle. Alors, je peux le préciser encore à nouveau, c'est que c'est l'imaginaire, l'égrégore, c'est l'imaginaire qui émerge sur la réalité. Si je crois qu'il y a des lutins d'un seul coup derrière les arbres à Brocéliande par exemple, c'est un truc qu'on dit souvent quand on va à Brocéliande, qu'il y a un lutin derrière chaque arbre, eh bien l'égrégore va réaliser, en fait l'inconscient collectif va comme réaliser ce phénomène, et de fait il y aura à un moment donné dans la réalité, à force que tout le monde s'imagine qu'il y a des lutins derrière les arbres, de fait dans la réalité les lutins seront derrière les arbres. C'est l'imaginaire qui se réalise, et c'est ça en fait ton histoire d'ordre et de chaos. L'ordre, c'est le réalisme. Il y a un peu de ça, en effet. Voilà, c'est ça. Okay. Mais il n'y a pas que ça. On veut toujours rester dans la nuance, en fait. Surtout quand on parle d'ésotérisme, d'engrenage, on veut toujours rester dans la nuance. Donc, il y a ça aussi dans le jeu. Et c'est là que je te dis qu'on est peut-être passé à côté du jeu. C'est que moi, c'est ça que j'avais envie d'explorer dans Engrenage. Malheureusement, on n'a pas vraiment... Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les guignols dans une auberge. Je vous ai essayé de trop faire les guignols, je pense. Bah oui, on a fait les guignols dans une auberge, on a fait les guignols sur le Titanic, et au final, on n'a pas exploré cette dimension métaphysique. C'est un défaut que j'ai souvent. J'aime trop mes joueurs faire les guignols. J'ai pas envie de me tirer mais sur la laisse. Du coup, c'est bien parce que du coup, c'est parfait pour ce que je voulais te poser comme question pour après. Un des trucs qu'a fait aussi quand on faisait les guignols, c'est que du coup, moi, j'ai trouvé que les tours de parole étaient un peu fouillis parce qu'il n'y en avait pas. En fait, je savais pas quand je pouvais jouer, quand je ne. Voilà. Je savais pas trop. Attention, c'est du jeu de rôle, quoi. Oui, je sais. Chacun prend la parole quand il en a envie, quand même. C'est ça. C'est pas toujours le cas. Il y a des jeux de rôle dans lesquels c'est très codé. Mais ça dépend. C'est du jeu classique, c'est la foire d'empoigne. On est là pour. Mais c'est vrai que cette table, là, sans vouloir être méchant, il y a vraiment eu un gros problème au niveau de la communication. Il y a plein de fois, j'ai l'impression que vous ne nous écoutiez pas et que d'un coup, il y en a un qui sera. Je ne pense pas que ce soit une impression. La preuve avec la remarque. La preuve en podcast avec la remarque de Yosei à l'instant, quand elle disait qu'on ne t'avait pas écouté, nous annonçait les difficultés. C'est un scandale. Enfin, c'est carrément. Pour dire que c'était quand même très fouillis, c'est que même toi, à un moment, tu savais pas que Romaric était dans une scène. Non, mais je pense qu'il y a des tas de raisons, en fait. Il faut pas se dire les tables de la CU sont bordéliques, etc., parce que c'est pas vrai. Ça dépend qui. Ça dépend, non. Puis ça dépend le jeu, ça dépend le système. Il y a des systèmes qui nous cadrent. Hein. Tu fermes ta gueule. Dire, tu joues à Polaris, tu joues à Dogs in the Vineyard, il y a t'entends les mouches voler. Hein, personne qui mouve, tout le monde fait un peu la gueule. Et voilà, mais c'est juste que le truc, c'est que ici, le scénario nous lance dans un lieu où c'est difficile d'en comprendre toutes les problématiques et tout, et donc c'est normal qu'au début ce soit fouillis. Je pense que c'est le jeu, comme disait Shadow, hein, c'est un jeu qui se développe sur une campagne où progressivement tu comprends les enjeux, et donc tu commences à avoir des enjeux pour ton personnage, et ces enjeux orientent ton jeu d'acteur, ce que Yosei appelait le roleplay tout à l'heure, et du coup ça t'invite à créer dans une certaine direction. Mais pour ça, il faut bien connaître le canon esthétique du jeu, et on ne l'avait pas là ici. Maintenant, avec ces histoires d'ordre et de chaos, de steampunk, de d'égrégore, entre guillemets, de monde, comment dire, de monde des rêves qui se réalisent, je commence à voir le canon esthétique et du coup, je comprends mieux, tu vois. Là, genre, on referait une partie, je ne suis pas sûr que ce serait le même résultat. Et si, avec la musique et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Plus une remarque sur les conseils OMJ, toujours. Non. C'est. En fait, vu ce que tu dis maintenant de ce que tu veux faire pour le jeu, et je pense qu'en plus, c'est un truc que j'avais marqué qui me manquait un petit peu, c'est au niveau de la description des décors. En fait. C'est très intéressant, ça. On ne les a quasiment jamais eus, sauf. Sauf une fois. Au un moment, pour les portes. Ah, pas uniquement. Ouais. Pour les flingues que portaient les policiers aussi. J'ai remarqué ça. Voilà, où tu as vraiment décrit, et du coup. Moi, ça a retenu mon attention et je pense que si tu veux amener au fur et à mesure une montée comme ça du fantastique, ce serait bien qu'il y ait certains points de décor que tu décrives à chaque fois avec. C'est comme tu as fait pour les portes. Mmh. Non, là, les portes sont toujours bien. Hein. Puis à un moment, tu dis oh, les portes là, elles sont un petit peu plus étoffées. Puis tu les décris au fur et à mesure. Mmh. Et je pense que le truc, c'est que tu as fait ça que pour les portes et c'était au final très très peu présent. Et je pense que vraiment dire au MJ de faire un travail sur comment décrire. Je vais pas dire au MJ de travailler ses descriptions quand même. Non, mais c'est pas ça. Choisir quoi décrire. Choisir quoi décrire. Typiquement, quand tu nous décris l'Europe en ruine. Les armes que portent les policiers, qui sont des armes un peu fantasmagoriques. L'encou que tu nous décris parfaitement, la glace que tu nous as décrit parfaitement, les portes infernales que tu nous décris parfaitement. Je décris tout ce qui est pour servir l'horreur, j'oriente la description. Exactement. Voilà, exactement. C'est ça que t'as. Donc ça veut dire que tu fais de ton jeu, dans la mesure où tu décris la couleur du jeu dans l'horrifique, tu fais de ton jeu un jeu horrifique comme ça. Si tu nous avais décrit les voitures, tu nous as aussi décrit l'ingénierie et tout ça, les cuves, les machins, et ça pose un contexte. Mais par contre, tu nous as pas du tout décrit les vêtements que portaient les bourgeois, la façon dont ils parlaient entre eux. Donc c'était pas un jeu sociologique, tu vois, sur la bourgeoisie à l'époque. Et puis c'est tout bête, mais les descriptions que t'amènes créent de l'intrigue, créent du jeu, parce que du coup, nous, on a envie d'interagir avec. Donc ça peut être sympa, tu vois, de dire au MJ, selon ce que vous voulez faire, décrivez plutôt tel élément, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous parler du système de résistance mentale qui a l'air juste énorme? J'ai dû vraiment le passer. Mais ouais, c'est dommage, ça a l'air vraiment génial. En fait, mais c'est vraiment été coupé. Vous avez juste en fait eu comme vous l'avez dit, la scène d'intro de l'horrifique. Ouais. En pas le temps. Est-ce que tu pourrais nous raconter au niveau de l'horrifique, donc en fait, à chaque fois que vous faites un échec, enfin une réussite plutôt, même s'il n'y a pas vraiment de réussite en fait dans le système, chaque fois que vous faites une réussite, donc vous réussissez à absorber l'événement horrifique que vous venez d'avoir. En face de vous, vous cochez une case de souvenir. Et en fait, donc là, sur cette fiche, il y a plat à place. Mais donc, c'est OMJ, je veux juste retenir. Mmh. Et en fait, chacun de ces souvenirs va peu à peu vous empêtrer. Chaque souvenir, en fait, donne un malus de -1 à vos jeux de résistance mentale. Mmh. Donc, c'est des blessures mentales, mais qui se manifestent sous la forme de souvenirs. Souvenirs que vous avez emmagasinés. Traumatiques. Vous les avez mis en arrière dans votre petit subconscient. Et vous avez absorbé le truc, vous restez conscient. Par exemple, exemple classique, si vous manquez votre test de santé mentale, ce qui est très dur, quand vous n'avez aucun souvenir de cocher, en fait, vous n'absorbez absolument rien. D'un coup, vous vous évanouissez, vous ne voulez même pas voir ça. Mm-hmm. Donc, rien qui rentre. Vous vous évanouissez juste sur le coup. Mais si vous absorbez, peu à peu, ça va devenir de plus en plus dur de réussir ces tests. Et quand vous allez péter un câble, ça va vraiment, comment dire, sévèrement, à tous les souvenirs qui vont ressortir. Ouais. C'est là où l'MJ doit se souvenir. Et c'est pour ça que sur un système de campagne, Est-ce que ce serait pas plus simple que ce soit le joueur qui doit s'en souvenir? C'est ce que je dis quand on affiche de personnages étendus, il y a une zone pour noter chaque souvenir en fait. C'est le joueur qui va les jouer. Quand ces souvenirs ressortent, là, on essaiera de faire un immense panel pour orienter les maladies selon ce que le personnage a vu, même si souvent. Dans les jeux d'or, ce qu'on voit, c'est du sang, des tripailles, etc. Un peu orienté pour différentes choses. Mais par exemple, une scène qui est souvent venue dans un autre scénario où il y a des enfants maltraités, disons cela comme ça, il y a souvent un des personnages qui, à force de voir tous ces cadavres d'enfants, toutes ces expériences bizarres, qui devient vraiment mal à l'aise, qui commence en fait, quand il pète son câble, il commence à avoir des petits enfants qui dansent autour de lui, etc. Et à la fin, il devient vraiment gêné par la présence d'enfants. Il ne peut pas les regarder sans penser à ça. Et donc concrètement, il décoche En ayant ses souvenirs d'enfants, d'expériences, etc. Par exemple, il avait 3 ou 4 cases de cocher. Il a après cette tare qui est définitive. D'accord, ok. D'accord. Donc, finalement, la nature des souvenirs a de l'influence sur la manière dont il va devenir fou, mais il n'y a pas moyen de les décocher en décrivant quelque chose en rapport long, avec ça. Sur le long terme, mais vraiment sur le long terme, tu peux faire de la psychologie pour décocher. Ou alors dans certains endroits vraiment très calmes, tu peux décocher dans certains moments très spéciaux, décocher des souvenirs. Ou alors les absorber définitivement, complètement les apaiser. Ça, vous avez vu. Ouais, il y a ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que là, vous avez vu beaucoup l'horreur qui sort de l'imaginaire collectif. Mais il y a aussi autre chose qui peut en sortir, quelque chose de meilleur. D'accord. Ça fait partie du secret. Il y a énormément de secrets dans le jeu. Mais moi, je vous conseille vraiment, vraiment, c'est de faire un petit texte que pourrait dire le MJ au début quand il présente le jeu au. Parce que du coup, ce serait top de savoir que du coup, il va y avoir l'ordre et le chaos qui va influencer, etc. Parce que du coup, moi, j'aurais pas du tout choisi mes dés de la même façon et on voit mieux du coup, on va en venir, quoi. Adrien, tu voulais dire quelque chose ? Non. Alors, le truc, c'est que, en fait, moi, je pense que globalement, on peut résumer la plupart des remarques de Flavie de la façon suivante en disant « Fais attention au système de jeu ». Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est une distinction qu'on fait ici, qui est la distinction entre le système de jeu et le système de résolution. Le système de résolution gère les conflits entre les personnages fictifs. C'est le moment où tu lances les dés, où tu choisis les compétences, etc., dans Engrenage, par exemple. Et le système de jeu, c'est quel est le rôle des joueurs autour de la table. Dans quel sens on crée autour de la table. Y compris quel est le rôle du MJ. C'est-à-dire, y compris quel est le propos du jeu, par exemple, tu vois. Quel est le rôle d'un joueur ? Est-ce que le rôle d'un joueur, c'est d'enquêter ? Est-ce que le rôle d'un joueur, c'est de créer une histoire d'amour ? Est-ce que le rôle d'un joueur, c'est... etc. Et Flavie, depuis le début, ne cesse de vous dire, créateur d'engrenage, écrivez votre système de jeu. Et non pas uniquement votre système parce de résolution. Parce que là, vu les trucs que tu as fait, ça pourrait, c'est top, mais il faut que quelqu'un puisse faire la même chose que toi. Oui, mais là, vous n'avez pas le kit d'intro en main... Absolument. Mais c'est pour attirer ton attention là-dessus. On ne dit pas que ce ne sera pas fait dans la version finale, évidemment. Oui, parce qu'a priori, le système de résolution, il y a un potentiel intéressant. Ouais. Mais le système de jeu, pour l'instant, reste un peu flou. Bah, pour l'instant, voilà, c'est du jeu de rôle classique. Ouais. Et on ne sait pas trop. En fonction du maître de jeu, on va voir. Ça va être différent, quoi. Voilà. Tu vas avoir celui qui va jouer que le fun, l'autre qui va jouer que l'horrifique. Du coup, le système de résolution qui a l'air d'être travaillé, vous avez cherché quelque chose d'intéressant qui va peut-être prendre de l'ampleur dans le jeu, dans les mystères du jeu. Bah, du coup, sans système de jeu, bah, il perd un peu de sa saveur. C'est ça, voilà. On ne sait pas dans quel sens. C'est dur quand même de poser le système de jeu en un one-shot aussi. Non, mais bien sûr. On est là pour donner quelques conseils sur l'écriture de. Mais si tu nous avais dit, par exemple, un truc du style, dans la base, c'est bien écrit que le maître de jeu doit éteindre la lumière lorsque c'est la nuit, l'allumer lorsque c'est le jour. Ça fait partie du système de jeu. C'est son rôle. C'est le rôle du maître de jeu. Oui. Les joueurs doivent. Ça fait pareil des conseils au MJ, des notes pour le MJ qu'on a qui persèment les scénarios qu'on. Donc vous le ferez. Oui, on l'a déjà fait. C'est ça. Donc, voilà. Même si vous nous avez donné des idées, on avait déjà fait autant de. Évidemment, on ne prétend pas avoir inventé l'eau tiède. C'est clair et net. Ni l'eau froide, ni l'eau chaude. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Engrenage. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire avec Engrenage, les quatre fantastiques ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Quel est votre propos finalement ? Que le monde est malléable en fonction de nos rêves, en bien ou en mal. Le propos sur Engrenage, c'est j'ai réfléchi au propos quand même quand j'ai notamment eu écouté le podcast du garage sur le propos. Mm-hmm. Je me souviens bien, qui est pas si évident que ça à trouver dans un jeu de rôle classique entre guillemets, même s'il y en a qui arrivent à le trouver. Donc Engrenage, on a vraiment voulu montrer que c'était un monde. Vous jouez pas comme dans beaucoup d'univers steampunk dans une ère steampunk. Vous jouez pas dans une ère. Voilà, c'est on marche à la vapeur depuis telle année, on marche avec telle énergie révolutionnaire depuis un millénaire. Vous jouez en 1882. Point. C'est-à-dire que en 1883, ce sera pas pareil. En Grenage, on a vraiment envie d'ajouter une fois qu'on aura fait de quoi jouer du contenu supplémentaire pour les années, de montrer que les événements vont prendre de l'ampleur. Et vraiment, une grande peur d'avoir vraiment un scénario, des campagnes qui vont vraiment attaquer l'univers, les mystères et le retourner pour le faire progresser. On a envie de montrer que comme quand les joueurs jouent. Le monde a de l'influence sur les gens. comme les gens, sur les acteurs les acteurs ont de l'influence sur le monde. Ah, mais du coup, ce qui serait top, mais bon, là, du coup, je tripe hein, du coup, sur ce que tu dis. Ce qui serait top, ce serait un site internet où l'EMJ pourrait vous dire ce qui, s'il y a plus de chaos ou d'ordre c'est à votre... C'est parfaitement ce qu'on a envie de faire, dans le sens où, un peu comme Ombre Destin avait essayé de faire, mais qu'ils finalement n'ont pas fait. Mmh. Il y avait, ça me fait penser aussi ce truc d'ordre et chaos là sur le coup j'ai jamais pensé avant à Dishonored qui est un très bon jeu vidéo où justement à la fin il y a une fin différente selon l'ordre ou le chaos qu'on a qui est sorti tout récent, il est sorti pendant qu'on était en train de créer le jeu. Il faut aussi penser à Fable, mais désolé. Oui, Fable aussi. Il y a plein de jeux binaires, mais Fable, généralement les Fable et compagnie c'est plus bien ou mal, alors que Dishonored c'est vraiment ordre ou chaos, c'est vraiment la composante, c'est pas bien ou mal, c'est ordre ou chaos. Mais c'est vrai que c'est dans l'univers. C'est, on a envie vraiment, comme quand les joueurs changent leurs moyens, on regarde si leurs moyens ont vraiment une importance ou si seule la fin compte, bah on a envie de faire pareil avec l'univers. Est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement pour conclure le podcast de la diffusion du jeu ? Est-ce que comment est-ce que ce jeu va être diffusé ? Est-ce que tu choisis l'indépendance ou au contraire est-ce que tu choisis l'édition ? Et pourquoi ? Il faut savoir qu'on est tous étudiants dans ce projet, tous les quatre, ainsi que l'illustratrice de notre kit. Vous avez tous le même âge que toi ? Non, je suis plus jeune. D'accord. J'ai le droit de faire gagner des cheveux blancs à n'importe qui autour de la table. Regardez, ils en ont tous déjà. Mm. Vous ne reconnaîtrez plus Romaric Briand en convention. Un salopard. Bon. C'est le fait d'avoir eu un bébé, hein, tu sais. Arrête de me traiter de vieux, sinon... Et le fait est que, comment dire, le sortir en indépendance, ça demande, disons-le, en indépendant, il y a beaucoup de choses qui sont gérées par l'éditeur, et en indépendant, vous gérez vous-même quand vous êtes auteur. Mmh. Et nous, on n'a pas le temps vraiment de prendre le temps, et surtout d'avoir l'expérience, car on est quand même jeune, et c'est vrai qu'un éditeur... malgré tout ce qu'on veut dire, d'expérience, etc. Moi, je crois que c'est important de préciser effectivement que voilà, tu as 17 ans, donc voilà, t'es même pas majeur. J'ai 17 ans, mais les autres... T'es en train de faire un jeu de rôle de ouf, c'est un projet titanesque, un jeu de rôle, c'est forcément titanesque. Enfin, j'ai 17 ans, et tous les autres sont plus ils ont quoi, 18, âgés, 19 19, 20, 21. Voilà, je pense que c'est important pour les auditeurs de voir aussi... Non, mais ça change un peu la moyenne d'âge de la trentaine qu'on a dans la communauté Wallis. Exactement, Wallis. C'est ça que je voulais dire. C'est que, voilà, le renouveau, ils arrivent, ils sont là. Association, ne fermez pas tout de suite. De quoi? Donc, le point. Le point dans la gueule. Oui, c'est ça que c'est une phrase de Shadow, hein, dans ce scénar qu'on peut citer. C'est... Attention, il arrive. De quoi? Le poing dans ta gueule. Et bam, un gros coup de doigt, un gros fini mon PNJ. Et bam. Encastré dans une porte. Et donc vraiment, si on prend l'édition, c'est parce qu'on n'a pas. Bon, on va essayer d'aller vers l'édition, parce que l'édition va complètement nous refuser. Donc là, qu'elle apporte. Dans ce cas, on persistera vers le. Bon voilà, s'il y a des auditeurs qui écoutent la cellule et que ce projet. Les intéresse, ils peuvent vous contacter sur le site. On est contact les éditeurs. Vous les contactez déjà ? Vous faites des démarches et tout pour Ouais. Et donc on verra ce qu'il en sort. Mais normalement, on préférait faire éditer parce que l'éditeur, celui de la diffusion d'une grosse partie d'illustration, qui connaît les illustrateurs déjà, parce que nous ne connaissons point. Ouais, d'accord, c'est le réseau de l'éditeur qui t'intéresse. La distribution, l'illustration, le réseau de l'éditeur, la relecture. Peut-être qu'après, on fera des projets en auto-édition, mais là, celui-là, on le fera éditer forcément. On cherchera en tout cas à l'éditer. Et si après, un éditeur a envie de continuer de travailler avec nous, on continuera aussi, si ça se passe bien. De toute façon, on a envie, on verra avec l'expérience. Après, toutes ces compétences. Ce que nous apporte cette expérience avec l'éditeur. Toutes ces compétences dont tu parles, que tu donnes aux éditeurs. Je te rappelle qu'il y a des forums comme les ateliers imaginaires par exemple qui succèdent à Silent Drift, enfin, en tout cas qui sont générés par les auteurs, les anciens auteurs indépendants qui avaient des rubriques sur Silent Drift, qui te proposent. Et Frédéric Sintès, il a un espace dans sa rubrique sur les ateliers imaginaires. Fabien Hidvain, pareil, pour parler de ton jeu, pour t'aider, éventuellement t'apporter de la relecture. Voilà, les indépendants ont aussi des réseaux. C'est vrai. Faut pas croire que ce ne soit que les éditeurs. Mais là, le site, c'est quoi le nouveau site ? Non, je me suis inscrit dessus en plus. Les ateliers imaginaires. Ouais. C'est que la communauté indépendante est vraiment pas. Enfin, je trouve. Elle n'est pas orientée vraiment sur le jeu de rôle classique. C'est même si, honnêtement, putain, Enfin, c'est, enfin... J'ai envie de... c'est un cliché, ça dépend. Ça non, ça dépend. Mais Fred et Fabien, honnêtement... c'est vrai que c'est pas leur type de jeu, mais par contre, nous, on joue quasiment qu'à du rôle classique. Oui, je sais, tu viens voir la cellule. Oui. Et nous, on n'est pas des relecteurs, on n'est pas des testeurs, on n'est pas des... C'est vrai, mais, quand... voilà. Mais c'est quand même gros... faut quand même prendre en compte, c'est une grosse composante de... comment dire, l'atelier imaginaire. J'ai pas envie de me fâcher avec des gens. En fait, non. Je suis en train de supposer mes mots. Non, mais Frédéric Sintès, et il le prouvera très bientôt, est capable de faire du jeu de rôle classique. Et oui, il est capable de juger du jeu de rôle classique. Mais c'est comme, comment dire, quand je débarque sur Silent Drift, je vois mon stato, je vois sens. Même si c'est des jeux de rôle que tu joues avec AMJ, pas être méchant, c'est pas non plus le jeu de rôle classique, traditionnel. Très traditionnel, etc. Il y a quand même chose de beaucoup plus. Et Engrenage, même si on a envie d'apporter plein de choses nouvelles, d'apporter vraiment notre patte sur le style steampunk, on reste quand même du très classique avec un MJ, il prépare son scénar, etc. Et je sais pas, on ne me sentirait pas vraiment super à l'aise sur les ateliers imaginaires. Alors pour ce projet-là, oui, je ne me sentirais pas peut-être à l'aise, mais pour d'autres, peut-être, pour on d'autres, verra. Peut-être, voilà. Etc. De toute façon, on a le temps. C'est-à-dire que chacun d'entre vous a l'intention d'être édité sur ce projet-là. Vous êtes on est d'accord. Voilà, vous êtes d'accord pour... On va chercher l'édition. Démarcher pour ça. Mais par contre, sur d'autres projets, voilà, vous pouvez être indépendant. Parce que les autres, ce ne sont pas les auteurs qui sont indépendants, mais les publications qui sont indépendantes. Hein. Donc, tu peux très bien être auteur d'un jeu indépendant et auteur d'un jeu édité. Hein, bah, parfaitement. Pas, voilà. Bon. Donc, d'accord, ok. Très bien. Très bien. Et donc, tu dis, oui, que l'auto-édition, ça prend trop de temps, en fait. Ça. Pour la communication. Ah, ça, c'est vrai. Hein, ça prend trop de temps. Puis on est quand même quatre à bosser dessus. Bah oui, il faut qu'on soit tous les quatre d'accord. Tu récoltes les fruits de ton travail. Je veux dire, oui, ouais, ça prend du temps, mais tu palpes. Différent. Mais sauf que là, on ne peut pas prendre de décision non plus. C'est quand même une décision importante. Et à quatre, on sera tous... Je pense pas qu'on soit tous les quatre d'accord pour faire l'auto-édition, pour se lancer là-dedans. Peut-être, mais pour l'instant, on a plus envie de démarcher vers l'édition. Ok. Parce que bon, pour moi, le jeu de rôle, on ne peut en vivre qu'en étant indépendant. Mais après, c'est peut-être pas ton intention. C'est pas l'intention de tout le monde dans le groupe. Toi, oui. Ah oui, on verra. C'est une des premières questions que tu m'as posées quand tu m'as rencontré. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vis de ton truc? Oui. Donc ça veut dire que ça t'intéresse. Exactement. Sinon, tu me poserais pas la question. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est possible? Les autres dans le groupe, ça ne les intéresse pas forcément. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je pense que la majorité, ça ne les intéresse pas forcément, du jeu de rôle. Mais moi, ça m'intéresse. Mais donc, je prendrai toute l'expérience. Travailler avec Inkinator, c'est quand même une expérience à prendre. Et je pense qu'elle servira à nous tous dans le groupe, aussi bien notre illustratrice que nos rédacteurs, que nos relecteurs. Tu es sage, Chatarian. C'est bien. Allez, on va laisser nos auditeurs sur ces propos de conclusion. On vous invite à aller découvrir le jeu Engrenage, dont le kit d'initiation vient de sortir. Il est en ligne depuis peu. Depuis début août. Donc voilà, faut aller regarder ça. Je ne sais pas si ça va te plaire ce que je dis, mais j'ai beaucoup ri en jouant. Donc si vous voulez tester, je pense que ce serait bien que vous testiez, que vous nous disiez comment. Il y a deux scénars dans le kit. Il y a deux scénars dans le kit de démo. Un scénar horrifique, justement, avec les petits enfants dont je parlais tout à l'heure. Et un scénario beaucoup plus pulp où là vous pourrez faire de la franche rigolade. Et dans ce qui va sortir en septembre, je crois, c'est ça ? Dans GDR Mag septembre. Et donc qu'est-ce qui sera dedans ? Ce sera le scénar plus fun, etc., plus facilement. Ah bah testez-le, tiens, quand même. Franchement, nous on s'est bien marré si c'est le scénar fun et que vous avez envie de redémarrer l'année là, sur un peu de rire. Franchement, moi j'ai bien rigolé. Il y a autre chose aussi qu'il faut quand même souligner, que je trouve important de souligner, c'est qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Engrenage qui est sur le Grog. Donc il faut en 2006, qui est un obscur jeu. Voilà, donc il faut faire attention parce que ne vous fiez pas aux critiques d'Engrenage de 2006 pour juger le Engrenage de 2013. C'est quand même important de le dire parce qu'il y a des gens sur convention qui ont hésité la table. À voir Engrenage, ouais, voilà. Puisque c'est un jeu qui a été. Qui a apparemment, il y a eu des critiques négatives. D'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je ne connais pas, mais. Si je ne me trompe pas, il y en a un qui a un Shadow. S à la fin et pas l'autre. C'est oui, ça oui, un autre engrenage a un S à la fin. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Donc et voilà. Là, ça a l'air d'être un beau bébé en gestation. On verra voir ce que ça donnera, mais c'est un beau bébé en gestation. Les joueurs sont jeunes, ils ont encore le temps d'avancer, de développer tout ça. En attendant, nous, on va vous laisser, on va aller développer nos rêves dans nos pieux. Il est très tard. Allez, bonne nuit à tous, bonne semaine, jouez bien, portez-vous bien. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. À plus.